Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM. Ce soir, émission Mosaïque. Alors, une mosaïque de quoi? Eh bien, d'abord, la dissolution. On est prêt. Emmanuel Bompard. Eh oui, si l'Assemblée nationale est dissoute, la France est soumise et prête à progresser électoralement. Hein? Ah oui, ça dépend de nous, les électeurs. Ah ben oui. Ensuite, que faire de nos déchets nucléaires? C'est une émission d'Arte. Ensuite, nucléaire, éolienne, enquête d'Hugo Clément. Une LOPMI qui ne sauvera pas la police, Hugo Bernalici. Il n'y a pas que Hanouna dans la vie, sur France Inter. Hein. Déchets nucléaires, Caroline Fiat. Face à l'obstruction de la Macronie, elle est courageuse, hein, Caroline Fiat. Eh oui. Et puis bon, voilà. Elle dit ce qu'elle a à dire. C'est bien. Il faudrait plus de députés comme ça. Essais nucléaires en Polynésie. Les dangers. Alors, les dangers sont sous-évalués. Étaient sous-évalués. Et sont toujours sous-évalués, bien sûr. C'est une émission de France 24. Et puis, bon, une petite revue de presse pour finir, voilà. procès et pour aller devant les urnes. Mais oui, mais nous, on est en campagne électorale permanente. Donc, on avait des candidats, ils sont toujours en action. On mène des campagnes, on parlait tout à l'heure de l'attaque sur les super-profits, on est présent sur le terrain. Mais vous n'êtes pas un peu affaibli depuis cette rentrée parlementaire ? Vous n'avez pas le sentiment, justement, oui, qu'avec les études d'opinion, on le voit, ceux qui seraient gagnants en cas de réélection, non, ça ne serait pas vous, hein ? Mais on ne voit pas ça. Le sondage IFOP vous donne moins 1,3%. Oui. -1,3%. Oui. Ils sont très forts. En termes de voix, mais ça ne veut pas dire qu'en termes de sièges, c'est vous soyez très gagnant. La discussion à laquelle on va assister va être très intéressante. Le sondage IFOP dont vous parlez, aux élections présidentielles, le vendredi avant la date du premier tour de l'élection présidentielle, disait que Jean-Luc Mélenchon allait faire, j'ai regardé avant de venir, 17,5%. Ouais. Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Ouais. Donc vous pouvez me dire que 1,3%, c'est une variation que le sondage IFOP est en capacité de mesurer, mais étant donné qu'il s'est trompé d'à peu près 5 points la dernière fois, je me permets de dire que cette évolution, à vous mon avis, êtes prêt, est nuancée. Vous êtes prêt. Et pour le reste, le sondage IFOP, si vous comparez aux autres sondages IFOP au même moment pendant la campagne législative, en gros, je alors vous est-ce conseille que vous êtes prêt, donne à peu près un statu quo pour les différentes est-ce formations que vous êtes politiques. Prêt est-ce que vous êtes prêt? Mais on est prêt à mener une campagne. Et bien vous feriez évidemment une campagne sur quoi, d'ailleurs? Mais on ferait une campagne sur avoir une majorité alternative. Avec Jean-Luc Mélenchon, mais Premier ministre quoi, comme, avec quoi mais comme, les sujets dont j'ai parlé tout à l'heure, l'augmentation des salaires, le SMIC, la transition écologique, la nécessité de faire en sorte qu'on bloque les prix sur les produits de première nécessité, le fait qu'on s'engage sur le chemin d'une sixième république pour en sortir de ce système politique qu'on voit là. Mon objectif, je termine juste là-dessus, notre objectif, c'est de gouverner ce pays. Pour gouverner ce pays, sauf erreur de ma part, il faut que ça passe par les élections. Donc vous n'êtes pas, comme tous ceux qui nous en font un procès, vous n'êtes pas dans l'agit-propre, simplement, vous voulez gouverner ce pays. Mais bien évidemment. Qui est le chef chez vous ? À la France Insoumise ? Oui. Mais il n'y a pas de chef, mais notre candidat, notre porte-parole, ça a été le candidat à l'élection présidentielle. Vous parlez au passé. Notre chef de file aux élections législatives, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et si demain... Et pourquoi il n'est pas à l'Assemblée nationale? Ce serait lui qui mènerait la bataille, là. S'il y a des législatives, mais ce serait si qui, demain, alors? Si demain, il y a une élection législative, je vois... Qu'est-ce qui dirige? C'est Jean-Luc Mélenchon? Bien évidemment que Jean-Luc Mélenchon, il est là, et je pense qu'il reprendrait sa position, j'ai envie de dire, de porte-parole commun de la France Insoumise, et j'espère de la NUPES. Bon, Sauf que, il y en a qui contestent indirectement peut-être ce leadership. On pense à Monsieur François Ruffin, qui est sur une autre longueur d'onde. On pense à Clémentine Autain, qui est sur une autre longueur d'onde. Qui sont d'ailleurs l'un et l'autre, et surtout Monsieur Ruffin, sur des discours plus sociaux que vous. Non, alors bon, d'abord, je sais pas. Enfin, là, vous spéculez. Excusez-moi. Je ne spécule pas. J'observe. Je suis désolé de vous le dire. Vous spéculez. Moi, j'ai discuté. Je veux pas dévoiler des avec Clémentine Autain. Si, dévoilez-nous. Clémentine Autain la semaine dernière, je pense pouvoir dire, et Clémentine me corrigera si c'est pas le cas, que s'il devait y avoir une dissolution demain, je pense pas qu'elle proposerait de mener notre campagne législative à la place de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est une Vous déplairait. Ça, vous la suivez pas si jamais. Mais c'est pas ce week-end, elle a dit j'assume d'avoir de l'ambition. Mais en 2027, je serai partie prenante pour gagner. Mais attendez, mais cherchez pas à mettre des problèmes entre nous. Il y en aura pas. Mais j'ai bien compris que c'est votre objectif. Ça existe. Ça me dérange pas du tout qu'elle ait de l'ambition, et j'espère qu'il y a plein de gens qui vont avoir de l'ambition, parce que l'ambition, ça nous fait avancer tous ensemble. Et vous en avez? On a de l'ambition collective, on a envie de gagner, on a envie de gouverner ce pays, pas pour nous, pour changer la vie des gens qui souffrent beaucoup. Mais 2027, c'est une petite musique qui est un peu différente chez Mme Autain, qui dit, en gros, place aux jeunes. Schématiquement. Mais attendez, Jean-Luc Mélenchon est sans doute le dirigeant politique qui a fait émerger ces dernières années le plus de jeunes. Donc c'est pas incompatible de dire Jean-Luc Mélenchon va avoir une place centrale et en même temps place aux jeunes. Moi je suis d'accord avec les deux. Maintenant, vous m'avez interrogé sur le discours soi-disant plus social de certains au détriment des nôtres. Je ne crois pas du tout. Du travail notamment et de l'emploi. Mais ça c'est encore un... Sauf que Jean-Luc Mélenchon a dit ce sera pas moi en 2027. Oui, mais là on parle d'une éventuelle dissolution qui a lieu dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Si c'est 2027, on a le temps de se préparer pour 2027. 2027, vous pourriez être candidat ? Mais je propose qu'on lance pas la campagne présidentielle de 2027 en 2022. Vous souhaitez que ça soit Jean-Luc Mélenchon qui soit là en 2027? Mais j'en sais rien, moi. En 2027, il y a tellement d'eau qui va couler sous les ponts. Moi, je veux pas répondre à votre question, mais là, vous me demandez de spéculer. Comment vous avez interprété une formule, qui a fait beaucoup de bruit, d'ailleurs, à l'époque, de Jean-Luc Mélenchon, il y a 5 ans, dans une interview au magazine Le 1, il a qualifié le mouvement de la France Insoumise de mouvement gazeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que beaucoup de gens ont parlé, notamment à gauche ces dernières années, de dépassement de la forme parti. On disait les partis politiques sont trop traditionnels, ils correspondent pas aux enjeux d'aujourd'hui. Et ben nous, avec la France Insoumise, on a essayé, on expérimente, on tente autre chose. Donc on essaye de construire quelque chose qui s'appelle un mouvement et qui a une forme différente de la forme traditionnelle des partis politiques avec leurs sections, leurs fédérations, leur bureau national et leur conseil national. Je dis pas qu'on a tout parfaitement réussi, mais on expérimente, on tente. Donc on a une forme d'organisation qui est beaucoup plus souple, dans lequel les gens font un peu ce qu'ils veulent, dans lequel il y a moins de pyramide hiérarchique. Mais vous n'allez pas changer ça, parce que Clémentine Autain, elle vous a dit justement que c'était trop gazeux. Vous n'allez pas changer ça. Mais on va pas le changer, on va le faire évoluer, parce que comme toute expérimentation, il y a des choses très bien, on les garde, et puis il y a des choses moins bien, on essaye de faire autre chose pour améliorer les points négatifs et garder les points positifs. Enfin, honnêtement, je vous invite quand même à regarder que ce qu'on est en train de faire avec la France Insoumise, c'est une expérimentation quasiment inédite au monde. Il y a des élections politiques différentes. Il y a des élections européennes qui arrivent dans 2 ans, un peu moins même. Est-ce que vous appelez vos alliés de la NUPES à faire cause commune avec vous? Moi, j'ai dit ça dès le mois de juillet, donc je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet. Moi, je suis favorable à ce que la NUPES se poursuive, que la NUPES s'approfondisse, et donc que la NUPES fasse en sorte de se présenter sur des listes communes aux prochaines échéances électorales. Et je suis aussi favorable à ce que la NUPES ne soit pas qu'un mouvement électoral, et donc qu'il mène aussi des batailles et des campagnes dans la société en commun. Est-ce que vous avez conscience que vous autres, à la France Insoumise, vous avez beaucoup de reproches à formuler vis-à-vis de l'Europe, et que d'autres, à l'intérieur du Parti Socialiste notamment, sont des pro-européens convaincus. Mais comment vous pouvez faire campagne ensemble? Vous savez, moi j'étais député européen avant d'être député national. Ouais. Moi ce que j'ai observé, c'est que sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, au Parlement européen, à mon avis, c'est 90 à 95%, on vote la même chose. On vote la même chose quand il s'agit de dire qu'on veut rénover la politique agricole commune parce qu'elle va pas dans la bonne direction. On vote la même chose quand on dit qu'il faut mettre un terme à un certain nombre d'accords de libre-échange. Donc sur les grandes priorités politiques... Comment vous allez convaincre les écologistes qui sont pas d'accord aujourd'hui? J'essaye de les convaincre. D'abord, ils ont leurs échéances internes. Je veux pas les perturber. Ils vont en discuter, j'imagine, ensemble. Et puis après, moi, je vais les convaincre en leur disant l'objectif des élections européennes, si elles ont effectivement lieu dans 2 ans, c'est de savoir qui de l'extrême droite, du macronisme ou de la NUPES arrive en tête de l'élection. C'est ça l'objectif. Et si on veut arriver en tête de cette élection, c'est plus facile si on est tous regroupés. D'accord. Merci Yves de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Je voudrais juste revenir sur, vous avez dit on est prêt si il faut, s'il y a une dissolution et si on doit repartir. Est-ce que vous réinvestirez tous les candidats qui ont été investis? Globalement, à part peut-être une ou deux exceptions parce que la personne ne voudrait plus être candidate, mais honnêtement, si la dissolution elle a lieu demain ou dans 10 jours, vous savez, les délais après ils sont extrêmement courts. On va pas se réengager dans un long processus d'investiture. Est-ce que Adrien Quatennens, vous le réinvestirez élection? On verra quand est la dissolution et puis on verra quelle suite. On verra. Vous dites c'est pas sûr et certain. Mais enfin, je veux dire, Adrien Quatennens, pour l'instant, il est en retrait de sa fonction de coordination au sein de notre mouvement. Mais il n'était pas présent à l'Assemblée nationale ces dernières semaines. Donc. Comment va-t-il? Il est en arrêt maladie. Son arrêt a été prolongé. On en est où? Quand il doit revenir? C'est à lui qu'il faudra poser la question. Moi, j'ai pas à m'exprimer à sa place sur ce sujet. Et puis on verra quand il sera en mesure de revenir. Et puis on verra. Vous n'avez pas de date de retour. Ça fait plusieurs semaines qu'il est absent. C'est à lui qu'il faut poser la question. Encore une fois, c'est pas à moi de le dire à sa place. C'était pourtant la solution parfaite. Tirer d'une poignée d'atomes l'énergie suffisante pour approvisionner toute notre civilisation. Sauf qu'il y a un mais, et pas des moindres. Quelques 400 000 tonnes de déchets hautement radioactifs dans le monde qu'il faut stocker jusqu'à ce qu'ils n'émettent plus de rayonnement. Nach Vorschrift der deutschen Bundesregierung soll ein Endlager Sicherheit für 1 Million Jahre garantieren. 1 million d'années. Qui peuplera notre Terre alors ? Existerons-nous encore ? Ich denke schon, dass sich in der Zukunft die Entwicklung des Menschen und der Technik insofern auch verändern wird, dass es Tendenzen eines Verschmelzens von Mensch und Technik gibt. Et la Terre ? Comment évoluera-t-elle au cours de cette longue période ? Es wird in den nächsten 10.000 Jahren sicherlich viele singuläre Ereignisse geben, Naturkatastrophen, das liegt an der Natur der Erde. Comment expliquer aux êtres d'un avenir aussi lointain qu'il existe des endroits où nous avons entreposé des déchets susceptibles de causer leur perte ? Personne ne peut savoir si c'est un signe qui, c'est le signe de la radioactivité qui existe aujourd'hui. Personne ne peut savoir si c'est un signe qui disparaîtra dans les dizaines ou les centaines d'années qui viennent. Comment transmettre un message aux humains du futur ? Est-il possible de les mettre en garde ? Commençons par le commencement. Près de 8 milliards de personnes peuplent aujourd'hui notre planète. Du point de vue de la biologie de l'évolution, le développement de l'être humain doué de raison s'est fait assez rapidement. En 300 000 ans, nous avons énormément progressé. Certains plus, d'autres un peu moins. Techniquement, c'est allé encore plus vite. Le silex, la roue... Sans tout ça, il n'y aurait sans doute pas de réchauffement climatique. Mais une fois devenu obsolète, on a exposé ces inventions dans un musée, tout simplement. Avec le nucléaire, c'est une autre histoire. In Deutschland werden wir die Kernenergie nach Außerbetriebnahme etwa 50 Jahre genutzt haben. Das sind so 2 Generationen, grob gesagt. Dann kommt die ganze Abfallentsorgung, Endlagerbergwerk und dann auch die Aufsicht über das Endlagerbergwerk. Das sind dann vielleicht 500 Jahre in der Summe. Das sind schon 20 Generationen. Und dieses Endlagerbergwerk soll dann aber für 1 Million Jahre sicher sein. Das wären 40.000 Generationen. Also dafür reichen meine Arme nicht. Le site d'Onkalo, sur la côte sud-ouest de la Finlande. C'est le premier cimetière nucléaire au monde et il est en train de voir le jour. À 450 mètres de profondeur, 5000 tonnes de déchets hautement radioactifs seront bientôt scellés pour un siècle sous une épaisse couche de granit et de bentonite. Imaginons qu'on trouve assez de lieux d'enfouissement définitif pour stocker sans danger tous les déchets nucléaires pendant 1 million d'années. Comment faire pour ne pas les oublier ? À titre de comparaison, lorsque cet arbre a commencé à pousser il y a seulement 400 ans, les gens parlaient un langage qui nous semble aujourd'hui pour le moins déconcertant. Wenn wir mal wirklich an Jahrhunderte oder gar an Jahrtausende denken, dann ist es einfach schwer, das Wissen über so lange Zeit zu transportieren. Einmal müssen die Materialien, auf denen das Wissen notiert ist, die müssen so lange halten. Und die zukünftigen Generationen müssen auch irgendwie wissen, wie die Zeichen verstehen sollen, die dann da drauf sind. Qui seront ces êtres d'un avenir lointain ? Seront-ils aussi avides que nous de décrypter le passé ? Et puis, est-ce vraiment à des humains qu'il faudra expliquer l'existence de nos déchets radioactifs ? Wir stellen uns natürlich einen zukünftigen Menschen vor, der mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, kooperiert, mit Maschinen kollaboriert. Aber das ist eine Projektion unserer heutigen Zeit in die Zukunft. Die Schwierigkeit ist, sich eine Zukunft vorzustellen, die man sich nicht vorstellen kann. Les êtres que nous voulons prévenir ressembleront-ils à ceux-ci ? Où Est-ce nous qui finalement leur ressemblerons? Wie durch ein Zusammenwachsen von Mensch und Technik sogenannte posthumane Wesen aussehen könnten in 10.000 Jahren, da geht dann sehr, sehr viel. Da können wir dann auch das, was die Transhumanisten ja jetzt schon gerne in ihrer Lebenszeit hätten, werden wir dann ja höchstwahrscheinlich haben. Wir werden also Sinneswahrnehmungen haben, die anderen Tieren nachgebildet sind. Wir können uns auch neuartige Sinne vorstellen, die kein Tier hat. À moins que nous ne changions radicalement notre corps. Comme là, par exemple, imaginez la série L'Incroyable Hulk. Exposé à de la radioactivité, le héros développe tout à coup des pouvoirs surhumains. Le Britannique Dougal Dixon, spécialiste de l'évolution, a conçu plusieurs théories sur l'humain du futur. Il l'a imaginé comme un géant aux allures de troll, adapté à la sécheresse, ou bien en créature capable de se passer d'oxygène, composée de cellules humaines et d'organes greffés. Quoi qu'il en soit, nos descendants seront différents et parleront autrement. À condition, bien sûr, qu'ils se parlent encore. Die Frage, ob in der Zukunft vielleicht keine Sprache notwendig ist, weil die Leute eine Art Techno-Telepathie haben, eine Gedankenübertragung mittels Technik, die wird schon sehr, sehr intensiv diskutiert. La transmission de pensée numérique permettrait-elle de communiquer les informations sur les déchets radioactifs d'un cerveau à l'autre? Des interfaces humain-machine pourraient transférer les données sur plusieurs milliers de générations. Si nous commençons un jour à nous greffer des organes, des membres et des puces informatiques équipées d'une intelligence artificielle, la solution au problème des déchets nucléaires paraît tout à coup beaucoup plus simple. Mais pouvons-nous vraiment être certains que dans 100 000 ans, quelqu'un saura s'occuper comme il faut de ce dangereux héritage ? De plus, l'intelligence artificielle accomplira-t-elle encore la mission que nous lui avons confiée ? Et trouvera-t-elle des solutions pour traiter les déchets radioactifs sans nuire à la vie ? Il se pourrait aussi que nous disparaissions et que seule la technologie reste. Voilà pourquoi les scientifiques cherchent aussi des signes non numériques pour alerter nos descendants humanoïdes. Pour comprendre la difficulté de la chose, imaginez un Néandertalien s'efforçant de se représenter notre monde. Et s'il avait tenté de nous mettre en garde contre quelque chose ? Sprache zu verwenden für eine Nachricht ist schon einmal an sich schwierig, weil jede Sprache, die wir heute sprechen, ist eine sterbende Sprache, rein genau genommen. Ja. Darum wäre es sehr, sehr schwierig, Inhalte zu formulieren, wo man hofft, dass die Bedeutung der Sprache so gleich bleibt, dass das auch in 1000 oder in 10.000 Jahren verstanden wird. Darum geht man eher davon weg, dass man einmal eine Grundinformation nicht mit Sprache macht, sondern mit Zeichen oder Symbolen. Quand on vous demande quels symboles sont les plus adaptés pour mettre en garde contre la menace nucléaire, la plupart d'entre vous répondent une tête de mort ou le symbole de l'uranium dans le tableau périodique des éléments, ce qui suppose qu'il soit transmis de génération en génération. Autre idée, des panneaux avec des signes très ennuyeux pour que personne n'ait l'idée d'aller fouiller dedans. En France, un musée entier est consacré à la question suivante. Quel symbole utiliser pour transmettre un message ? Selon les linguistes, d'ici 10 000 ans, nos langues actuelles auront tellement évolué qu'elles ne seront plus compréhensibles. Il faut donc miser sur les symboles. Charles Gauthier a été chargé par l'autorité de sûreté nucléaire d'étudier les signes qui pourraient nous permettre de prévenir les humains du futur du danger de la radioactivité. Le mot de pasigraphie, c'est un mot grec qui veut dire écriture à tous, écriture pour tous. En fait, une pasigraphie, c'est une écriture qui doit pouvoir être lue et comprise indépendamment des langues. Ces signes doivent laisser clairement entendre qu'il s'agit de quelque chose de très important à analyser attentivement car potentiellement dangereux. Mais une question centrale demeure. La pasigraphie sera-t-elle compréhensible par tous et pour toujours ? Par contre, ce qui risque d'arriver, c'est qu'un jour, on ne le comprenne plus. Et pour faire en sorte que celui-ci reste autant que possible compréhensible et que son message reste compréhensible, c'est-à-dire que la radioactivité est quelque chose de dangereux et même de très dangereux, et du coup, essayer de faire en sorte que ce signe n'apparaisse pas seul, mais soit accompagné d'autres explications qui pourraient être inscrites en plusieurs langues, dans différents systèmes d'écriture, de façon à ce que un tel signe ne tombe pas complètement dans l'oubli. Dans les années 1980, on a eu l'idée de fonder un clergé atomique pour transmettre les connaissances sur les dangers du nucléaire de génération en génération. Des chercheurs français ont également proposé la culture de plantes qui fleurissent en présence de radioactivité dans le sol. Sans oublier l'élevage de chats génétiquement modifiés qui se mettent à briller lorsqu'ils sont à proximité de rayonnements radioactifs. Also die Idee mit diesen sogenannten Ray Cats, diesen Strahlenkatzen, die hält sich zumindest bis heute und man findet sie sogar auf T-Shirts. Aber wenn wir eine Million Jahre zurückverfolgen, die Vorläufer der Katzen vor einer Million Jahre haben mit Sicherheit anders ausgesehen und eine Garantie darüber abzugeben, dass das eine Million Jahre lang funktioniert, von Generation zu Katzengeneration zu Katzengeneration so bleibt, das traut sich dann doch niemand zu. Sans compter que l'histoire de la vie sur notre Terre pourrait s'interrompre brutalement. Ou repartir de zéro avec des cartes entièrement redistribuées. Eine Million Jahre ist so lang, da sind sogar solche extrem unwahrscheinlichen Ereignisse denkbar, wie ein schwerer Kometeneinschlag auf der Erde, der die menschliche Zivilisation komplett vernichtet. Und wenn dann neues Leben sprießt und vielleicht ein paar hunderttausend Jahre braucht, bis wieder eine neue Zivilisation entsteht, also wie die dann das noch wissen können soll, ja, was dann dort unter der Erde liegt, das ist leider auch mir nicht verständlich. Encore faut-il trouver un site d'enfouissement définitif. Un lieu capable de résister à toutes les évolutions à venir et qui restera inchangé pendant un million d'années. Mais comment ? Est-il vraiment possible d'anticiper un million d'années d'évolution ? Für uns Geologen ist es nicht ungewöhnlich. Wir denken sehr oft in Jahrmillionen. Unsere Erde ist ja mehrere Milliarden Jahre alt und eine Million Jahre ist sozusagen ein Augenblick für uns. Dans les décennies à venir, notre monde va sans doute changer sous l'action du réchauffement climatique. Des phénomènes météo extrêmes vont transformer de vastes régions et la glace des pôles va fondre et faire monter le niveau de la mer. En revanche, quand on raisonne non plus en décennies mais en millénaires, le tableau est très différent. Unser wunderbar dynamischer Planet kann sich in 10 oder 20.000 Jahren schon verändern. Er würde sich jetzt nicht in seiner grundsätzlichen Beschaffenheit verändern. Die Kontinente würden bleiben, wo sie sind, mehr oder weniger, weil sie sich doch zu langsam bewegen, als dass sich da was verändern würde. Allerdings würde dann vielleicht nicht nur wie heute auf Grönland Eis sein, sondern es kann zu einer Vereisung der gesamten nördlichen Hemisphäre kommen. Voilà donc notre futur. Le réchauffement pourrait céder la place à une nouvelle glaciation. Imaginons que cette barre de pralinés représente l'Europe. Le continent est divisé. Au sud, la vie est rythmée par un climat plutôt tempéré et au centre, par un hiver éternel. Une épaisseur de glace de plusieurs tonnes recouvre les différentes couches terrestres. Terre, sel ou granit sont compressés et s'échappent lentement, ou bien des fissures apparaissent. Si des fûts remplis de déchets radioactifs y sont stockés, ils rouilleront et les rayonnements remonteront par ces fissures jusqu'à la surface de la Terre. Le plus simple ne serait-il pas de tout larguer en mer ? C'était bel et bien la routine à l'époque où l'énergie nucléaire était encore considérée comme la solution idéale pour combler les besoins en énergie. Des milliers de fûts remplis de déchets radioactifs étaient simplement jetés en mer. Personne n'a pensé à signaler leur présence par des balises, par exemple. Il fallait oublier ces déchets. Malheureusement, les cas de cancer se sont multipliés dans les îles voisines. Wirken Strahlen mit einer hohen Dosis von mehreren hundert Rad kurzzeitig auf den ganzen Körper ein, so hat das hunderte von Brüchen an den Molekülen zur Folge, die die Erbinformationen jeder Zelle tragen. Der Tod ist unvermeidbar. Ich für mein Gefühl würde das gerne kennzeichnen wollen. Ich weiß, dass manche Länder das nicht tun. Schweden zum Beispiel macht das Ding zu und dann war's das. Ich finde, es ist wichtig, dass zukünftige Generationen wissen, wo der Müll ist. Und auch damit umgehen können, so wie es für mich auch wichtig ist, dass das Wissen jeweils in die Zukunft transportiert werden muss. Et si les centrales nucléaires elles-mêmes contribuaient au message? Pourquoi ne pas les transformer en bâtiments sacrés? C'est le projet de deux architectes danois. Les centrales deviendraient des églises nucléaires avec un orgue à l'intérieur du réacteur. Ou bien encore d'immenses constructions impossibles à rater, qui feraient office de panneaux d'avertissement, avec les informations les plus importantes concernant le site de stockage définitif. Des monuments culturels nucléaires, dont le message resterait bien visible, même dans 500 000 ans. En fait, sans doute que la meilleure chose à faire, c'est à la fois d'avertir, mais aussi d'informer. On a tendance à penser que le plus important, c'est d'abord d'informer peut-être de créer, par exemple, un espace de connaissance, espace dans lequel les gens pourraient se rendre et essayer de comprendre ce que sont ces déchets, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont dangereux, pendant combien de temps ils seront dangereux et pourquoi ils ont été produits et pourquoi ils sont stockés ici. Reste le problème du support. Quel est le matériau capable de durer suffisamment longtemps, 1 million d'années, pour y consigner toutes ces informations? Les supports de données numériques ne se prêtent pas à un archivage durable. Ils ne sont pas assez solides et deviennent vite obsolètes. La preuve. Qui peut encore ouvrir une disquette de nos jours? Digitale Speicherung, das wissen wir, die hat eine Haltbarkeit von vielleicht Jahrzehnten. Irgendwo einen USB-Stick einzulagern, ist unter Umständen jetzt nicht das Zielführendste, weil das vielleicht in 1000 Jahren nicht mehr als Informationsträger erkannt wird. Le matériau le plus durable que l'humain ait jamais créé est la céramique. Ne serait-il donc pas pertinent de graver le message à transmettre aux futurs habitants de la Terre sur une plaque de céramique? Et si oui, quel serait ce message? Wenn man jetzt ein Endlager markieren möchte, beschreiben möchte, also was ist da drinnen, dann gibt es eine Möglichkeit, die meines Erachtens universell wäre, nämlich das Periodensystem. Das ist keine willkürliche Anordnung der Elemente, sondern das liegt an dem Aufbau der Atome. Und jede Gesellschaft mit technischem Hintergrund, die verstanden hat, wie Atome aufgebaut sind, würde ein Periodensystem verstehen, weil das Periodensystem wahrscheinlich ganz genau ähnlich ausschauen würde. Dans 100 000 ans, ce disque dur en céramique permettrait encore de déterminer la quantité de substances radioactives présentes, ainsi que la composition des contenants, à savoir acier inoxydable et cuivre. Mais aussi la localisation exacte du site d'enfouissement sous terre. Sans oublier cette indication de temps. En 500 000 ans, Vénus et Mercure se retrouvent trois fois entre la Terre et le Soleil. Un bon moyen de préciser aux futurs terriens l'époque à laquelle le site de stockage a été aménagé. Cette tablette de céramique bourrée d'informations est entreposée pour l'éternité au cœur d'une mine de sel autrichienne, dans l'archive baptisée Memory of Mankind. Avec elle, toutes sortes d'autres messages cruciaux pour l'avenir lointain. Leur durée de conservation est estimée à plusieurs millions d'années, en fonction de l'évolution des conditions géologiques. Les tablettes de céramique résistent à la chaleur, au froid, à l'acidité et aux ravages du temps. Et elles sont lisibles à l'œil nu. C'est une des solutions que nous, humains d'aujourd'hui, avons trouvées pour parler des déchets nucléaires à nos successeurs. Die Zivilisation in der Zukunft, die das Memory of Mankind Archiv finden kann, die muss zumindest einen ähnlichen technischen Stand haben wie wir. Die muss ein ähnliches Verständnis des Universums haben wie wir. Könnte auch natürlich sein, dass die intelligenten Nachfahren von einer Waschbärenzivilisation sind. Aber selbst wenn die eine technische Zivilisation werden würden und vielleicht viel weiter entwickelt sind, dann hätten sie ähnliche Milestones auch durchwandert wie wir. Also sie könnten das verstehen, weil keine Zivilisation würde die Quantenphysik vor einer Dampfmaschine entdecken. Also die Stufen wären immer relativ ähnlich. Peu importe qui colonisera notre planète à l'avenir. Si il ou elle trouve nos messages, espérons qu'il ou elle seront assez futés pour les décrypter. Pour le bien du vivant sur Terre. Quel qu'il soit. Also ich habe ein sehr offenes Zukunftsbild und deswegen male ich mir diese Zukunft, diese sehr ferne Zukunft gar nicht in bunten Bildern aus, sondern ich weiß, dass ich das nicht erleben werde, was ich dann oft auch bedauerlich finde. Aber ich möchte meinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die nächsten Jahre und Jahrzehnte im Zusammenwirken von Mensch und Technik in einer guten Weise weitergehen. Und dann müssen andere den Staffelstab übernehmen und die Geschichte weitertragen. Bon. Espérons que cette course de relais ne finira pas par s'essouffler. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'héritage nucléaire, lui, restera. Mais si on parvient à envoyer les bons messages, les terriens du futur ne seront peut-être pas complètement démunis face à nos déchets radioactifs. C'est là-dessous, à 500 mètres sous terre, que les déchets nucléaires seront stockés. Oui, voilà, c'est exactement à l'aplomb de ce bois-là. Nous, on soulève plusieurs types de risques. Ces déchets sont inflammables, voire explosifs. Alors, il faut se dire que la moindre étincelle dans ces galeries pourrait déclencher des incendies. On creuse un trou, un gros trou, on referme, et basta, ça y est, on a géré nos déchets. C'est faux. C'est juste une dissimulation aux générations futures. Cette année, autour du nucléaire, un consensus s'est formé. Reste la question vertigineuse des déchets, de leur transport, de leur traitement et de leur enfouissement. Dans 100 000 ans, ils seront encore radioactifs. Hugo Clément déplace son équipe sur le front du nucléaire. Toujours le même principe, la parole aux militants, aux combattants, aux lanceurs d'alerte. Mais place aussi à l'industrie du nucléaire, à ses ingénieurs, à ses acteurs qui ouvrent les centrales aux caméras de France 5 en répondant à toutes les questions. Une édition de Sur le front, un peu différente des autres peut-être, sur un sujet colossal qui aurait mérité plus d'enquêtes et plus de mise en perspective, mais qui a au moins cet intérêt, c'est de soulever une poignée de questions. C'est déjà ça dans cette drôle de campagne où l'écologie est reléguée en fond de cale. L'instant M, Sonia de Villers, sur France Inter. Entre ici, Hugo Clément. J'ai bien cru que vous n'alliez jamais arriver jusqu'au studio 511. Soyez le bienvenu. Merci, Sonia. Comment s'appelle cette petite chienne qui vous suit partout et qui a fait hurler la sécurité de Radio France? Elle s'appelle Pia et on l'a adoptée il y a un mois et demi à l'SPA, donc je peux pas la laisser seule encore. C'est ça. Elle a peur de l'abandon, donc je la prends avec moi. C'était la chienne ou l'émission. Sur le front, on va en parler, mais un point d'abord sur cette campagne si particulière dans laquelle l'écologie ne trouve pas sa place, toujours pas sa place, allais-je dire. Le 13 mars dernier, quatre associations décident de confronter une poignée de candidats à la présidentielle à cette grande absente de la campagne. On était sur Twitch, un média résolument jeune. Aujourd'hui, l'écologie est la grande absente de cette campagne présidentielle et c'est d'autant plus alarmant au moment où on a le deuxième volet du sixième rapport du GIEC, donc le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est sorti il y a à peine deux semaines, sachant que d'ailleurs la semaine dernière, le temps médiatique consacré aux questions climatiques n'était plus... Alors les voilà sur Twitch, Hidalgo, Pécresse... Là, d'ailleurs, les organisateurs assument pleinement ne pas avoir invité l'extrême droite, estiment que l'extrême droite n'a rien à faire dans ce qu'ils appellent, eux, le débat du siècle, parce que l'extrême droite a des valeurs incompatibles, disent-ils, avec les associations qui sont là, donc Greenpeace, et aussi avec le rapport du GIEC. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense qu'il faut débattre avec tout le monde, ouais. Et je pense que tous les partis politiques de France doivent se positionner sur la question climatique. L'extrême droite, aujourd'hui, ça représente quasiment 30%, ouais. Je crois, des intentions de vote. Donc, dire qu'on peut avancer sur la question du climat et de la biodiversité en excluant d'office 30% du corps électoral, je pense que c'est pas une bonne idée. 94% des Français estiment que le dérèglement climatique est un enjeu capital. Pourquoi cette crise climatique ne parvient pas à émerger dans la campagne présidentielle? C'est à s'arracher les cheveux. Le 17 février, on était donc avant l'invasion russe en Ukraine. Les questions climatiques ont représenté, selon les études, 2,7% du volume rédactionnel consacré à la campagne cette semaine-là. C'est dingue. Tout le débat des Républicains sur 9 heures d'antenne, les questions liées à l'écologie, 16 minutes. Emmanuel Macron en majesté le 15 décembre sur TF1, 2 heures d'interview, aucune question sur l'écologie. C'est désespérant. C'est désespérant. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Effectivement, depuis le début de la guerre en Ukraine, on peut se dire que c'est normal qu'on parle essentiellement de la guerre en Ukraine. C'est un événement tellement majeur que... Quoique, ça a remis la question de la dépendance énergétique c'est vrai, au centre du débat. Mais on peut comprendre que depuis 3 semaines, ce soit le sujet numéro 1. Voilà, ça, y a pas de problème. En revanche, même avant, même dans le début de la campagne, et même là depuis quelques jours, l'environnement, ça occupe une place, vous l'avez dit, minuscule, alors que c'est le plus gros enjeu de l'histoire de l'humanité. L'enjeu, il est très simple, c'est savoir si on va pouvoir continuer à vivre ou pas sur cette planète. Mmh. Savoir si l'humanité va pouvoir continuer à et vivre alors, sur cette planète. France 2 réajuste sa formule d'Élysée 2022, vous fait venir en prime time et vous confronte, vous, comme expert, à Marine Le Pen et d'autres candidats à la présidentielle pour soulever ces questions-là. Ce qui m'a intéressé, c'est que ça m'a rappelé que sur le front, c'est une émission où le politique est absent. Le politique est totalement absent. C'est volontaire. C'est volontaire. On avait commencé à en parler justement quand vous aviez initié cette émission. Comme si vous n'aviez, enfin, comme si vous incarniez une génération qui de toute façon n'a plus confiance dans les pouvoirs publics. Alors c'est pas exactement ça. Moi, j'ai pas perdu toute confiance dans les pouvoirs publics. J'ai beaucoup de scepticisme et de doute vis-à-vis du discours politique. Mais pourquoi on fait pas de responsable politique dans Sur le front? Tout simplement parce qu'on a décidé de se consacrer et de consacrer le temps d'antenne qui nous est accordé à l'enquête, aux faits, à informer les gens sur le fond des choses, plutôt qu'à donner la parole aux responsables politiques qui souvent parle pour pas dire grand-chose et donc utilise du temps d'antenne pour pas dire grand-chose. Donc moi, je préfère aller sur le fond, sur le front et dans l'enquête que faire des interviews politiques qu'on voit déjà à longueur d'antenne sur tous les autres médias. Alors, tous les journalistes le savent, quand on parle du loup, c'est un peu le conflit israélo-palestinien des sujets environnementaux. La tension monte immédiatement d'un cran, quel que soit le média qui s'exprime ou le journaliste qui s'exprime. Vous, ça n'a pas loupé. Vous vous êtes pris un berger qui vous a répondu. Salut tout le monde. On l'écoute très brièvement. Service à Hugo Clément qui nous fait des reportages putaclic, qui sert de sa carte de presse pour faire de la merde dans son petit bureau. Regarde Hugo, on n'a pas la même tronche ce matin en parlant du loup. On fait pas le même boulot. Voilà, on fait pas le même boulot. Ma question, c'était de tous les sujets que vous avez soulevés ces dernières années, notamment depuis le début de Sur le front, mais sur lesquels vous militiez vous aussi de votre côté, que ça soit l'élevage intensif, la chasse, la maltraitance animale, les pesticides, la pêche intensive, la fourrure animale, le commerce des ailerons de requins, l'extinction des espèces animales, la pollution marine, etc. Quels sont les sujets les plus urticants, les plus polémiques? Le nucléaire, c'est pas mal comme sujet polémique. On voit que c'est soit on est pro, soit on est anti, et c'est très hystérisé les débats autour de ça. Mais après, toutes les questions qui touchent à l'animal en général, la chasse, l'élevage intensif. Alors l'élevage intensif, il y a une très forte adhésion populaire pour dire qu'il faut en sortir, qu'il faut mettre fin à ce système industriel. Mais ça génère quand même toujours des débats très enflammés parce qu'il y a des lobbies très puissants et très organisés qui font que le débat politique sur ces questions-là ne peut pas être serein aujourd'hui. Ouais, je dirais que c'est assez étonnant parce que la question de la maltraitance animale, ça fait partie des rares thèmes qui se sont invités quand même dans la campagne. On sent qu'il y a un changement de conscience. Alors, ça peut être sur un événement anecdotique, mais qui a secoué l'opinion publique, comme ce footballeur qui matraquait un chat de coups de pied et mort de rire et le postant sur les réseaux sociaux. Vidéo que vous Kurt Zuma, le footballeur français. Voilà. Ou évidemment l'élevage intensif. Mais ça, là, on sent qu'il y a quelque chose qui a bougé. Oui, parce que je pense que notre rapport à l'animal globalement a bougé, est en train de bouger, que quand on regarde tous les sondages qui sont faits sur cette question, l'écrasante majorité des Françaises et des Français veulent que les responsables politiques améliorent la condition des animaux, et on reconnaît de plus en plus leur caractère sensible, leur intelligence, le fait qu'ils ressentent la douleur, et donc des pratiques qui nous semblaient acceptables il y a encore quelques décennies, ou dont on n'avait pas connaissances, aujourd'hui deviennent insupportables. Alors, Valeurs Actuelles vous appelle Bobo Clément au lieu d'Hugo Clément. C'est et bien vous, trouvé. Et vous consacre des papiers absolument incendiaires. Que vous agaciez, c'est une chose. Que vous dérangiez, c'est une autre chose. Que vous suscitiez les critiques ou le débat, c'en est encore une autre. Vous recevez des menaces. Et vous vous exprimez dessus dans la presse? J'en reçois quelques-unes, c'est quand même très rare. Je reçois pas mal de messages de gens qui sont un peu énervés, mais ça c'est leur droit, on est en démocratie, on a le droit de dire aux gens qu'on les aime pas. Mais je reçois effectivement quelques menaces très précises, très ciblées, et qui font à chaque fois l'objet d'une plainte, et en général les auteurs sont retrouvés et condamnés. Alors le nucléaire, sur le front du nucléaire, c'est ce soir sur France 5 à 21h. Un militant, comme il se doit, parce que sur le front, c'est la parole aux combattants. J'ai commencé à militer quand j'avais à peu près une douzaine d'années. J'ai fait partie de ceux qui se sont rebellés de manière, on va dire, radicale, mais non violente, contre cette industrie. Et puis finalement, je me suis retrouvé la première fois dans un zodiac de Greenpeace, j'avais 18 ans. Voilà, il s'appelle Yannick Rousselet, il est votre premier combattant. En réalité, avec cette collection d'émissions, vous aurez initié une sorte de tour du monde des militants. Il y a d'ailleurs des associations qui reviennent régulièrement, Hugo Clément. Est-ce que, comment dire, à force, quelque chose a changé dans leur rapport à la caméra, dans leur rapport à la médiatisation, dans leur rapport à l'exposition de leur... On met beaucoup aussi en lumière les scientifiques, au-delà de seulement les militants. Mais effectivement, je pense que les gens qui se battent pour l'environnement, pour le climat, pour les animaux, ont compris que les médias sont une arme indispensable. Mmh. C'est en touchant l'opinion publique, en arrivant à faire passer les messages à heure de grande écoute, qu'on arrive à faire pression sur le politique, à faire pression sur l'administration et à faire avancer les choses concrètement. Parce que c'est le politique qui a le pouvoir de changer les choses sur la question animale. C'est évidemment aussi le consommateur. consommateurs à travers nos actes d'achat, notamment le fait d'acheter des produits issus de l'élevage intensif, mais c'est avant tout le politique qui, en changeant la loi, et on l'a vu récemment avec la loi qui met fin aux animaux sauvages dans les cirques, au delphinarium, etc., qui a le pouvoir d'avancer. D'ailleurs, les cirques et le delphinarium, j'ai remarqué que vous, vous n'hésitez pas à rappeler à l'ordre, parce que vous vous servez énormément des réseaux sociaux, ouais. Vous êtes même probablement un des journalistes de votre génération qui s'en sert le mieux et qui a acquis le plus de puissance à travers les réseaux sociaux, et en plus vous adaptez différents formats à différents réseaux, et plusieurs fois vous avez rappelé à l'ordre des stars de télé-réalité qui elles aussi ont beaucoup d'influence auprès de la jeunesse, en disant le zoo privé à Dubaï, là, c'est vraiment un endroit dégueulasse. Et même Nabila, elle s'est pris une leçon de morale sur les dauphins. Mais c'est pas vraiment une leçon de morale, c'est simplement que quand des gens sont suivis par des millions de personnes, et surtout des jeunes, de faire des stories en promenant un crocodile avec du scotch autour de la tête pour qu'on puisse le caresser, avec des tigres qui sont attachés à des piquets minuscules, avec des grosses chaînes où ils peuvent même pas bouger, avec des singes qu'on balade en laisse. Enfin, tout ça, c'est des symboles, des images qui peuvent plus être véhiculées aujourd'hui, parce qu'on sait les conséquences que ces belles images rigolotes ont sur les animaux. C'est une vie de captivité, c'est une vie de souffrance, c'est une vie souvent sous anesthésiant pour pouvoir être manipulée plus facilement. Donc tout ça a des conséquences. Ces stories en apparence inoffensives des stars de la télé-réalité ont des conséquences parce que les gens qui les suivent peuvent avoir envie de faire pareil et d'alimenter ce business. Allez, le nucléaire. Le nucléaire, vous l'avez mis au programme de Sur le front parce que justement s'est formé ce consensus assez inattendu, parce que c'était pas le cas en début de quinquennat macroniste. Ah bah c'était pas le cas même au-delà du quinquennat macroniste. Depuis l'accident de Fukushima, le nucléaire était plus vraiment en odeur de sainteté, et c'est revenu récemment. C'est vrai que on sent que l'opinion bascule de plus en plus vers un soutien au nucléaire. C'est une question très compliquée, le nucléaire, et ce qu'on a voulu faire avec cette émission, c'est l'inverse des débats politiques sur la question. C'est-à-dire, les débats politiques sur le nucléaire, c'est soit vous êtes pro-nucléaire, soit vous êtes anti-nucléaire, soit vous êtes pro-éolienne, soit vous êtes anti-éolienne. Oui, parce que vous avez ajouté les éoliennes. Ouais, c'est-à-dire, voilà une énergie qui, elle aussi, a la réputation d'être propre, on l'installe dans un paysage, et quelles sont ses incidences sur l'environnement? Exactement, ça a aussi des conséquences, les éoliennes, sur la biodiversité, sur éventuellement, c'est pas prouvé, mais c'est ce qu'on voit dans le documentaire, sur les troupeaux qui pourrait être victime de courant vagabond. On écoute un éleveur, parce que c'est une belle séquence. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on est autour des 420 animaux morts depuis 2012, depuis l'installation du site éolien. Voilà, tiens, voilà. Donc là, la vache tape. Donc il se passe quelque chose. C'est pas normal. Février 2017, donc il y a eu un arrêt des éoliennes. Pendant ces 4 jours, on a pu constater une amélioration de la production laitière et surtout des vaches qui étaient beaucoup plus calmes dans la stalle du robot. Des vaches qui ne tapaient plus. Donc en fait, la solution n'est pas très difficile. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les éoliennes, il y a d'énormes câbles électriques qui passent sous la terre, pas très profonds, entre 70 cm, c'est ça, d'enfouissement, et 1 mètre, et que probablement, ça crée une forme de tension sur... ressentie par les troupeaux. Évidemment, les fabricants d'éoliennes disent que ça n'a aucun rapport, mais force est de constater qu'il y a plusieurs éleveurs dans différentes régions, à proximité d'un câble enterré, qui portent le même témoignage, qui ont le même témoignage et dont les symptômes, les troupeaux présentent les mêmes symptômes. Mais ce qu'on a voulu faire du coup sur le nucléaire, c'est vraiment d'expliquer les problèmes soulevés par cette énergie, mais aussi de donner la parole, et vous l'avez vu dans le documentaire, aux gens qui travaillent dans cette industrie. Ouais. On n'a pas donné la parole qu'à des militants anti-nucléaires. Non. On a surtout donné la parole à des ingénieurs de sûreté nucléaire qui soulèvent des problèmes que pose le vieillissement de nos centrales. Donc, ce n'est pas du tout un documentaire manichéen. L'idée, c'est de donner aux gens les informations pour qu'ils puissent se faire leur idée. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être une édition un peu à part des autres. Mais parce que c'est un sujet qui est très complexe, l'énergie. Il n'y a pas d'énergie idéale. Il n'y a pas d'énergie idéale. Ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, j'ai envie de dire, c'est de réduire la consommation d'énergie, d'aller vers une forme de sobriété. C'est votre conclusion, mais vous qui prenez, Hugo Clément, un journalisme de solution, vous vous retrouvez dans une impasse à la fin de cette enquête. Pas vraiment, parce que la réduction de la consommation d'électricité, c'est pas une impasse, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire, notamment à travers l'isolation des bâtiments, qui représente un poste de gaspillage d'énergie énorme. Donc il y a des solutions pour réduire la consommation d'électricité. Mais ce qui est vrai, c'est que en l'état actuel de la consommation d'électricité, on ne peut pas se passer du nucléaire en France. Ça voudrait dire le remplacer par des énergies fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole, ce qui est encore pire que le nucléaire, ce qui est même bien pire que le nucléaire pour le climat. Donc, à court terme, moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas supprimer le nucléaire à court terme si on ne réduit pas drastiquement la consommation d'énergie. Mais ce qu'il faut viser, c'est cette sobriété énergétique. Mmh. Et c'est un sujet qui passionne, parce que je sais que les auditeurs de l'Instant M sont assez fans de bande dessinée et que c'est un média qui est devenu très très important dans le débat public. Et il y a deux livres, je les ai notés. Ah oui, voilà. Il y a Le Monde sans fin, qui est la BD de Blin et de Jean-Marc Jancovici. On est à 200 000 exemplaires. C'est publié chez Dargo. Ça s'arrache littéralement. Ouais. Voilà, elle est géniale, un homme elle est géniale, cette BD. Qui est décroissant et pro-nucléaire. Il y a aussi Le Droit du Sol qui est paru chez Futuropolis. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Ouais. Étienne Davodo, magnifique. L'histoire. Des enfouissements. Il traverse la France à pied et il se pose la question des déchets. Lui, il est férocement anti-nucléaire. Mais en fait, si vous voulez, il faut regarder les choses objectivement. Le nucléaire, ça permet de produire beaucoup d'électricité en dégageant très peu de gaz à effet de serre. Mmh. En revanche, ça produit des déchets extrêmement dangereux, qui restent dangereux radioactifs pendant des centaines de milliers d'années et dont on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas rendre non dangereux. Donc c'est un vrai souci qu'il faut aussi traiter, il ne faut pas fermer les yeux et dire que c'est super et que tout va bien. Et au cours de cette enquête, il se passe deux choses, c'est-à-dire que la communication de l'industrie nucléaire fait savoir que les équipes d'Hugo Clément, parce que tout est médiatisation contre médiatisation, de toute façon tout est histoire de récits et de contre-récits. Mais ils nous ont ouvert les portes avec beaucoup de bonne volonté. Et ça se voit. Et ça se voit. Communique sur le fait que vous êtes en train de visiter une centrale et il y a un ingénieur qui vous alerte en disant... C'était l'usine de retraitement de la Hague, c'était pas une centrale. Voilà. Il y a un ingénieur spécialisé justement dans le nucléaire qui vous alerte en disant « moi j'ai quelque chose à dire ». Oui, le gars de la com de Orano, la boîte qui gère le nouveau nom d'Areva, qui gère le centre de retraitement des déchets nucléaires de la Hague, fait une photo en disant voilà, il y a l'équipe d'Hugo Clément qui est là, etc. Et il y a quelqu'un qui répond, il faut parler du problème de la saturation des piscines, parce que pour que les gens comprennent, les déchets qui sont issus des réacteurs nucléaires des centrales sont stockés dans des piscines sur le site de la Hague en attendant d'être retraités dans des piscines pour les refroidir et pour éviter les radiations. 10 ans, je crois. 10 ans. Pendant une dizaine d'années à peu près. Et le problème, c'est que ces piscines sur le site de la Hague, elles arrivent à saturation. Il y a trop de déchets qui arrivent et les piscines sont sous-dimensionnées. Et cet ingénieur d'Orano, qui sur Twitter publiquement nous a interpellés en nous disant « attention, il y a un risque de saturation de ces piscines et c'est un vrai problème parce que si ces piscines sont saturées, qu'il n'y a plus de place et qu'il n'y a pas d'autre solution, ça veut dire que les réacteurs doivent s'arrêter. » Alors en revanche, vous avez un lanceur d'alerte qui, lui, préfère rester anonyme et vous raconte une défaillance du côté de Tricastin, c'est ça ? Oui, c'est un cadre haut placé de la centrale nucléaire du Tricastin qui effectivement nous révèle des défaillances. Alors ça peut être par exemple une inondation en zone nucléaire avec une zone donc contre ce qu'on appelle la zone contrôlée, donc la zone où on peut avoir des radiations qui est victime d'une inondation avec des conséquences inconnues mais potentiellement problématiques. Il nous parle aussi d'incidents de surpuissance de réacteurs, c'est-à-dire des réacteurs qui chauffent trop et qui restent en surpuissance. Tout ce qu'il vous raconte est démenti par EDF. Tout ce qu'il nous raconte est démenti par EDF ou en tout cas est raconté différemment. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant avec cette personne-là, c'est que ce n'est pas, encore une fois, un militant anti-nucléaire. Non. C'est un haut responsable d'une centrale nucléaire qui nous dit « moi, je crois au nucléaire, je crois à l'industrie nucléaire ». Exactement, mais... comme l'ingénieur qui vient vous raconter la saturation des piscines, qui dit « pour moi, le nucléaire, c'est la bonne transition énergétique ». C'est la bonne solution pour le climat. Et cet ingénieur, ce cadre de la centrale du Tricastin, il nous dit « moi, je crois au nucléaire, mais je crois aussi qu'il faut être transparent et qu'il faut dire quand il y a des problème et qu'il faut être très scrupuleux sur la sécurité parce que ça plaisante pas la sûreté nucléaire. Et ce que dit cette personne-là, c'est que dans certaines centrales, en l'occurrence dans la sienne, il y a des choses qui sont pas vraiment très nettes. Voilà, je vous donne des nouvelles du chien, enfin de la chienne. Elle a l'air d'aller très bien. Elle dort sous mes pieds et elle se frotte sur la moquette du studio. Il y aura un petit coup d'aspi à passer. Elle est blanche. Elle a des petits pois partout, voilà, et des oreilles brunes. Merci Pia d'être venue. Merci de l'avoir accueillie. Ah ouais, ça n'a pas été chose facile. Sur le front, c'est ce soir, c'est le nucléaire au programme. Hugo Clément était donc l'invité de l'Instant M. Hey monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ça serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, t'en devines pas la cause. Ce que je te demande, une pipe, un mégot. Non, pas d'anglaise ni de boudoré, c'est tabalin, c'est du chiquet. du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Tu ne fumes pas, bah t'en as de la chance. C'est que la vie pour toi c'est du velours. Le tabac c'est le baume, la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Y'a l'alcool, on me parle pas de cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La rouquine, qui était une pocharde, a donné son âme à des blaires. C'est ma morphine, c'est ma coco, quoi. C'est mon vice à moi, le perlot. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort. C'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, au fait, je vais vous le dire, c'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire, la misère qui dure nuit et jour. Et puis je m'en fous, mais donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts je le roule. C'est bon, c'est fort, ça tourne en moi, ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira moins farouche dans la fumée qui sortira de ma bouche. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur. Nous n'allons pas voter cette loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Ou pour être plus précis, nous allons voter contre. Car dans loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, il y a orientation et ça nous intéresse. Ça nous intéresse de savoir quelle est l'orientation donnée au ministère de l'Intérieur pour les 5 prochaines années. D'ailleurs, quand on dit ministère de l'Intérieur, il faut considérer qu'il y a les policiers, les gendarmes, mais également la sécurité civile, préfecture, sous-préfecture, ça a été longuement développé par le ministre, même si on a souvent cette focale sur les questions de sécurité, et à juste titre. Et évidemment, nous sommes opposés à l'orientation définie par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ici présent, mais aussi dans son annexe de l'article 1er. Parce que nous avons bien vu que le compte n'y était pas, notamment sur l'aspect programmation, mais ça c'est mon côté pointilleux qui cherche à savoir quel euro sera consacré à quoi, et on est un peu en reste avec les éléments que nous a pourtant obtenus le rapporteur dans son amendement détaillé. J'ai ouï dire qu'il y avait un ministre assez brillant pour obtenir 15 milliards d'euros, mais pas trop quand même, pour ne pas trop savoir comment les dépenser, puisque cette question, il se l'est posée après. Peut-être un plan de carrière, 2027 étant dans le viseur. Et ce qui est tout à votre honneur, monsieur le ministre, mais ce qui est un peu dommage pour la vision que nous devrions avoir et porter des objectifs assignés au ministère de l'Intérieur. Et pourtant, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous aurions aussi fait une loi d'orientation et de programmation, mais avec une autre orientation et une autre programmation. Je ne sais pas s'il y aurait eu 15 milliards, peut-être plus, vu que nous, on prévoit évidemment d'en prendre beaucoup plus dans la poche de vos amis les riches, afin de renforcer les services publics. D'ailleurs, je vous rappelle que nous avons produit un livret sur la sécurité et la sûreté, qui est toujours disponible en ligne, qui est une belle feuille de route, et que nous vous proposons d'ailleurs, sous la forme d'un amendement, à l'annexe pour réécrire intégralement les orientations. Si vous le votez d'aventure, à ce moment-là, je veux bien prendre les 15 milliards pour mettre en œuvre notre programme politique, mais nous en rediscuterons le moment venu. Parce que si j'avais été à Beauvau, nous n'aurions pas les fameux policiers augmentés que nous vend le ministre dans son annexe. Une sorte de synthèse entre Terminator et Robocop. Je ne sais pas si vous avez revu ces classiques récemment, monsieur le ministre, mais c'est peut-être des films qui peuvent être intéressants, prêter à sourire, mais on ne les verrait pas appliqués dans le monde réel. Ça serait un peu flippant, la réalité. Nous n'aurions pas une police de proximité avec nous. Nous n'aurions pas des amendes forfaitaires délictuelles délivrées à la chaîne avec toujours les mêmes populations qui soient ciblées dans les quartiers populaires et ceux qui sont perçus comme étant racisés, noirs, arabes, etc. On connaît le mode de fonctionnement aujourd'hui discriminatoire de la police, des contrôles d'identité et des amendes qui sont dressées avec. Et nous n'aurions pas non plus, monsieur le ministre, une réserve opérationnelle, alors qu'on était pour mettre en place une réserve opérationnelle, formée en 10 jours, et arme à la ceinture. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? On ne s'est même pas aligné sur le minimum syndical des 1 mois de formation pour être gendarme volontaire. Et oui, nous n'aurions pas fait tout ça, nous aurions mis en œuvre et construit la police de proximité qui est nécessaire dans ce pays. Les milliers de policiers dont nous avons besoin pour être au plus proche des gens et sur des aires géographiques données qui connaissent les gens autant que les gens les connaissent eux-mêmes, d'une forme de contrôle réciproque de la police sur la population et de la population sur sa propre police. Mais pour ça, il faut la dissolution des brigades anticriminalité si on veut avoir une véritable police de proximité. Parce que si la proximité, c'est être à portée de tonfa ou de gazeuse, c'est non merci, c'est pas ça qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est la politique que vous poursuivez vous-même. Et vous-même, régulièrement, vous venez là en disant « les chiffres sont pas bons, c'est de pire en pire, tout va mal ». Ben, c'est votre bilan, monsieur le ministre. C'est votre bilan. Et vous continuez dans la même ligne. Donc, nous ne voulons pas de cette orientation, ni même de la programmation qui va avec. Et pourtant, il nous faudrait des policiers de terrain qui soient, dont on met en avant leur dimension humaine, leur capacité de discernement. Pas de les fliquer eux-mêmes avec je ne sais quelle caméra, je ne sais quel drone, je ne sais quelle tablette, je ne sais quelle case à cocher plus rapidement que sur la forme d'un papier. Non. Nous pensons que nous devons retrouver les gardiens de la paix. Ceux qui sont là pour maintenir la paix publique, la tranquillité publique. Et évidemment, tout ça avec des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance dont il n'est pas du tout question dans cette loi d'orientation, qui pourrait habilement mettre en place un contrôle direct des citoyens sur la politique publique de sécurité au niveau local. Mais pour faire la police de proximité que nous appelons de nos voeux, pour ça, il faut un haut niveau de formation et de qualification. Et je le dis autant au Pierre Jox, à passer le niveau de formation à 1 an, c'était un progrès en France, mais aussi en Europe. Et la France a donné un signal en disant « nous voulons une police républicaine qui soit formée ». Il y avait un code de déontologie aussi dans les parages à ce moment-là. Et on a baissé la durée de formation à 8 mois en 2015. C'était sous le gouvernement de François Hollande parce qu'il a fallu recruter rapidement. Et vous arrivez en disant « regardez comme je suis beau, je suis fort ». Je mets la formation à 12 mois, grand progrès. Non, on revient juste à la situation antérieure à 2015. J'ai même la précision de dire qu'on est à une situation moins bonne que celle de 2015, puisque en 2015, il y avait 1 an sans la formation du bloc OPJ, et que maintenant, nous y intégrons 1 mois. Ça veut dire qu'on s'est fait sucrer 1 mois au passage. Et pour former les gens, pour qu'ils aient un haut niveau de qualification, il faudrait une formation initiale qui soit portée à 2 ans. C'est le minimum de tout un tas de nos pays voisins, parce que eux ont compris que policier en 2022, c'est pas être suréquipé de technologie, d'un exosquelette ou de lunettes augmentées pour contrôler les migrants à la frontière. Vous croyez que je blague en disant ça, mais si vous pensez ça, c'est que vous avez mal lu l'annexe. Non, c'est pas ça dont on a besoin. C'est un policier qui sache s'adapter à la différence de situation qu'il va trouver en ayant un appel police 17, en allant sur des violences intrafamiliales, en allant sur une bagarre, en allant sur une question de trafic de stupéfiants ou en manifestation, etc. Enfin bref, la diversité du métier de policier. Or, j'ai regardé dans les 15 milliards, enfin j'ai tenté, hein, parce que vu qu'on n'a pas un niveau de détail extrêmement précis, combien d'écoles de police on allait construire. C'est un bon indicateur combien d'écoles de police on allait construire, parce qu'il y en a eu de supprimées parce qu'on avait fait la, enfin, on avait fait, la droite, pardon, avait fait la, les RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, supprimant de là un bon 10 milliers de policières et policiers dans ce pays, et gendarmes et, qui vont avec, et supprimant 10 écoles. Alors on s'est dit, on va faire des embauches, on repasse à 12 mois de formation, on va ouvrir des écoles. Eh ben non, pas de traces. Pas de traces d'écoles. Ah, par contre, les traces de création de centres de rétention administrative, longuement demandées par M. Ciotti dans le cadre de son congrès et puis dans le cadre de son groupe politique, ça, il n'y a pas de problème. Il y a le détail, il y a le chiffrage, il y a les places. On voit bien là où est la priorité, monsieur le ministre. La formation, c'est finalement la variable d'ajustement, le truc qu'on finance en dernier, alors que ça devrait être un des postes de dépenses les plus importants du ministère de l'Intérieur, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Si j'avais été à Beauvau, nous n'aurions pas fait la réorganisation de la police avec sa départementalisation, comme vous êtes en train de le faire, monsieur le ministre. Et oui, nous aurions renforcé drastiquement la police judiciaire, et pas avec votre machin de filière sur un coin de table, où on ne sait même plus qui est le chef de quoi, à quel endroit, au niveau zonal, départemental, national, intergalactique. Non, non, non, non. On aurait renforcé la police judiciaire pour doubler les effectifs de la police judiciaire telle qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire la DCPJ, de 6 000 à 12 000, et de rattacher les 17 000 officiers de police judiciaire qui sont actuellement dans la sécurité publique. Et nous les aurions détachés de sorte à faire la réforme de 1995 à l'envers pour les plus connaisseurs de l'organisation de la police, c'est-à-dire le moment où on a supprimé la filière investigation et le corps des enquêteurs et des inspecteurs de police. C'était la police en civil, par opposition à la police en tenue. Il faut retrouver cette séparation qui était déjà un premier niveau de séparation des pouvoirs au sein du ministère de l'Intérieur. Et il faudrait d'ailleurs par là même renforcer la police technique et scientifique. Vous voulez créer des effectifs? Mettez-les là. Eux résolvent les enquêtes, sont utiles aux investigations. Nous pourrions habilement doubler les effectifs de police technique et scientifique. Non, non, c'est pas ce que vous faites, puisque dans votre détail, monsieur le ministre, bah, il n'y en a pas. C'est 3500 à la police, 3500 à la gendarmerie. Débrouillez-vous avec ça. Quant aux assistants d'enquête que vous allez créer, c'est à effectif constant. Donc on va prendre des personnels administratifs qui ont déjà un boulot, qui font déjà quelque chose au ministère de l'Intérieur, en les disant, vous allez faire assistant d'enquête, et qui fera leur boulot? On verra bien, on verra bien, on verra bien. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une habile programmation que de fonctionner de la sorte. En tout cas, nous aurions fait bien différemment. Nous serions partis des besoins du ministère de l'Intérieur, et nous aurions déduit un budget, et non pas le contraire. Et pour ça, cela pourrait, si on remettait en place une véritable filière investigation détachée de la sécurité publique et du reste des missions de police, nous pourrions alors détacher cette police judiciaire auprès de l'autorité judiciaire pour garantir l'indépendance dans les enquêtes et une véritable séparation des pouvoirs comme il se doit dans une démocratie aboutie. Et que la politique pénale ne soit plus définie par le ministre de l'Intérieur en catimini, enfin en catimini, en toute hypocrisie, parce que la vérité c'est que c'est le ministre de l'Intérieur qui définit la politique pénale. C'est lui qui dit on va faire du stup cette semaine, on va faire du rodéo celle-là, etc. Et puis vous avez les parquets, les procureurs qui sont là en train d'absorber ce qu'ils peuvent faire des enquêtes. Et puis il nous faut évidemment une police républicaine, mais pour ça, c'est pas juste mettre un magistrat à la tête de l'IGPN. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut un contrôle externe, indépendant et effectif et efficace. Et il se trouve que ce contrôle externe existe déjà. Ça s'appelle le défenseur des droits. Ça s'appelle le défenseur des droits. Et donc, il faudrait renforcer les moyens du défenseur des droits par ceux qui sont aujourd'hui positionnés à l'IGPN et à l'IGGN. Et que le ministre de l'Intérieur s'engage à prendre les sanctions demandées par le défenseur des droits qui est indépendant. Lui. Les services du défenseur des droits, puisque c'est une défenseur des droits, comme vous le savez, à l'heure actuelle. Et puis, je crois qu'il faut rompre avec la doctrine dite de maintien de l'ordre. Parce que c'est pas ça le sujet. Parce que quand vous dites maintien de l'ordre, bah oui, ah bon, je vous demande quel ordre, de quel ordre on parle? Le vôtre? C'est ça? L'ordre capitaliste? L'ordre qui fait qu'il y a 12 millions de pauvres dans ce pays? Non. Non, la seule mission que confère la Constitution aux policiers, aux gendarmes, aux ministres de l'Intérieur, c'est garantir la liberté de manifester. C'est ça qui doit être fait. Il n'y a pas de force de l'ordre. Il y a des gardiens de la paix. Et ce n'est pas la même chose. Alors c'est vrai qu'on a cherché et on n'a rien vu sur la délinquance économique et financière. Ça ne doit pas être une priorité pour les 5 prochaines années. C'est dommage. C'est dommage. J'ai pourtant fait 2 rapports sur le sujet. On s'était vu, monsieur le ministre, quand vous étiez encore à Bercy. Et malheureusement, rien n'a changé. La fête peut continuer pour ceux qui fraudent en matière de délinquance économique et financière. Quant aux préfectures et sous-préfectures, vous rouvrez des sous-préfectures. Non, mais il faudrait en plus vous donner des médailles. Vous qui continuez la politique qui a détruit l'accueil physique et présentiel dans les sous-préfectures et dans les préfectures, engagé et initié à l'origine par la révision générale des politiques publiques, les RGPP, continué par Action publique 2022, et vous n'avez rien dit dans le mandat précédent. Non, vous avez laissé faire, vous avez dit la dématérialisation, c'est génial. Regardez, en 3 clics, vous pouvez avoir un service public. Et la conclusion de ça, c'est que les voyous, eux, ont profité de votre système de prise de rendez-vous pour modéliser des rendez-vous pour les titres de séjour, pour les malheureux qui voulaient avoir un titre de séjour. Et ça a duré pendant 4 ans, tout ça. 4 ans où des gens se sont enrichis sur le dos de pauvres malheureux et malheureuses. Et à la fin, vous avez résolu le problème en pourchassant les délinquants en question ? Non, vous avez supprimé la possibilité de prendre des rendez-vous avec des cases. Et maintenant, on prend rendez-vous à une boîte fonctionnelle qui vous attribue un créneau de rendez-vous. Bon, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors que si la nouvelle Union populaire écologique et sociale l'avait emporté, oui, nous aurions remis au cœur l'accueil physique dans les préfectures et dans les sous-préfectures et les agents qui sont avec. Et ce n'est pas les 350 que vous prévoyez dans la LOPMI qui vont aller combler les 4000 emplois qui ont été supprimés sur les 10 dernières années. 4000 supprimés en 10 ans, on en remet 350 et il faudrait délivrer des médailles. Non, ce n'est pas une bonne orientation politique, y compris sur la programmation budgétaire. C'est pourquoi nous défendons cette mention de rejet préalable, parce que toute la copie est à revoir et pas juste quelques alinéas à la marge. Et je terminerai en détournant, ou plutôt en remettant à l'endroit quelques slogans que j'ai entendus ici face à moi dans la majorité, à droite et à l'extrême droite, ça fait longtemps, en vous indiquant et en vous rappelant que la première des sécurités, c'est la liberté. C'est la liberté. Et je dirais même plus que la première des sécurités, ne l'oublions jamais, c'est la sécurité sociale. Merci, monsieur Bernalicis. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri des Pinochet en puissance, travaille aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coup d'interrogatoire, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac, qu'on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse au petit nord-africain. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin, d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront tu veux du jus, pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'il me ratatine pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé, à moins qu'il ne me condamne à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du beau Dédé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester. En 1967, je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60, j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marins du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir, il me coupe les dix doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Hara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochet en puissance travaillent aussi du képi. Travaille aussi du képi. Alors mes petits belgos communistes, boycotto qataristes, France Interro abrutis, ça va? Oui, évidemment, comme tout le monde. Moi je regarde ce qui se passe dans Touche pas mon poste, j'ai vu l'extrait là, le dernier. Ouais, on a... lequel? Bah, le son qu'ils devaient envoyer en fait dans la régie. Ouais, écoute. Ah oui. Ouais. Ça, c'est Cyril Hanouna en train de défendre Bolloré, ça. Ah, il en a lancé des fermes ta gueule à des députés. Hein. Donc moi, je veux vite savoir s'il va être condamné. Parce que si c'est pas le cas, ma prochaine chronique, c'est 4 minutes de ferme ta gueule, t'es une merde abruti, suivi des noms de députés qui m'énervent. Ah, et 4 minutes, ce sera peut-être pas suffisant. Tout ça parce que Cyril n'a pas voulu que Louis Boyard parle des exploitations de Bolloré en Afrique. Hein. Donc du coup, on va reprendre là où il s'est arrêté. Bolloré en Afrique, c'est des dizaines de ports, des chemins de fer, des transports routiers, de l'extraction minière, de tout ce qui se finit par Nium, de la déforestation, du pétrole, des des mugs, des autocollants et des tote bags. Hein, ils possèdent plus de trucs en Afrique que les Africains eux-mêmes. Tout ça, bien sûr, grâce à la corruption de chefs d'État africains, d'ingérence dans les élections. Non, arrête, c'est pas moi qui le dis. C'est Bolloré lui-même, il l'a dit au tribunal, il a plaidé coupable. Hein, si je comprends bien, l'ingérence, quand c'est Poutine qui fait ça, c'est un dictateur fou furieux. Quand c'est Bolloré, c'est un entrepreneur visionnaire. Hein, c'est ça. Avec tout ce qu'il gagne en pillant l'Afrique, il paye des fachos sur ses chaînes de télé pour dire que les Africains doivent rentrer chez eux. Hein, le problème, c'est que si chez eux, tu leur prends tout, bah, ils viennent en récupérer un peu chez toi. Hein, petit problème de maths. Si un industriel camerounais veut installer une usine en Saône-et-Loire, en détruisant un village, en coupant tous les arbres et en pompant toute l'eau de la Loire, et qui sert de cet argent pour faire virer tous les Français qui sont au Cameroun. À votre avis, il sera viré en charter à Yaoundé à quelle heure et à quelle vitesse? Ah, mais dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. On ne veut pas accueillir les migrants, mais pour leurs ressources, il y a toute une logistique très efficace en place depuis Louis XIV. Aujourd'hui, il y a plus de bateaux pour rapporter les marchandises que pour sauver des gens. Parce que la dernière fois qu'on a mis plus de noirs que de marchandises dans les bateaux, c'est parce que la marchandise, eh ben, c'était les noirs. Hein, eh oui, là, c'était. Bah non, Mamadou, saute pas, t'as toutes tes dents, t'es le plus cher, reste avec nous. Hein, parce que quand tu vois les réactions sur le Sean Vanking, tu comprends pourquoi le FC Colabo a fait une grosse saison en 1940 pendant que l'Olympique des Justes a galéré 4 ans pour le maintien. Heureusement qu'on n'a pas eu cette réaction quand il a fallu accueillir des milliers d'Ukrainiens. Mais là, qu'est-ce qui se passe si on prend 200 personnes en plus? Hein, on va être trop lourd, la France, elle va s'enfoncer dans l'eau. Alors, soit l'Africain, il est 1000 fois plus dense que l'Européen de l'Est. Je pense pas que c'est ça. Ou alors, c'est parce qu'ils ont pas les mêmes voitures que nous. Hein. Ben, c'est pas ça non plus, parce que toutes nos épaves à moteur thermique, elles finissent en Afrique. Donc, c'est pas un problème de bagnole. Mais bon, Hanouna par-ci, Bolloré par-là, on en aurait presque oublié. Agnès Pannier-Runacher, dis donc. Ah, ministre de la Transition Énergétique, c'est-à-dire ministre du Père Noël. Hein. Et, si, il y a qu'à voir la COP27, là, la grand-messe des dirigeants sur les questions écologiques sponsorisée par Coca, premier pollueur plastique au monde. Hein. Ils ont renoncé au bon d'achat pour Total parce qu'ils ont dit que ça ferait trop. Mais 27 fois qu'ils se réunissent pour se dire, bon là, faut faire quelque chose. hein, et puis ça se termine par on s'en reparle à la COP 28. Ils ont tellement rien à foutre de l'écologie, on dirait Morandini devant un garçon majeur. Aucun intérêt. Et donc notre chère Agnès est chargée de nous faire passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Hein, selon l'ONG d'investigation Disclose, elle aurait des intérêts financiers avec un grand groupe pétrolier. Ça voudrait dire que pour qu'elle réussisse sa mission, faudrait qu'elle accepte de perdre beaucoup d'oseille. Hein, autant dire que tant qu'elle est là, tu vas bouffer du polymère et roter du sans-plomb. Hein, alors c'est un peu technique, faut suivre. La société Arjunem, détenue par la famille Runacher, serait en lien avec Perenco, numéro 2 du pétrole en France, avec des investissements communs dans des fonds spéculatifs dissimulés dans des paradis fiscaux, dont les bénéfices seraient placés au Luxembourg. Eh ben, même Balkany, quand il a vu ça, il a dit « Wesh, on peut tout faire et on m'a rien dit. Moi, je me fais chier avec des villas au Maroc alors que ça, c'est légal. » On a failli perdre le patoche. Non, la ministre n'a pas déclaré cette situation puisque la société Arjunem est détenue à 100% par ses enfants, dont certains étaient mineurs. Hein, c'est plus des gosses qu'elle a, c'est des prête-noms. Ça se passe comment un Noël chez les Runacher? Le petit dernier déballe son cadeau. Ah, une entreprise! Je vais la mettre à côté de mes Legos. Hein, j'espère que dans 10 ans, quand ces gamins ils seront devenus PDG à la force du poignet, hein, ils vont pas venir nous dire qu'ils se sont fait tout seuls quand on veut, on peut, no pain, no gain, il y a trop d'assistes à la mes couilles. Hein. On a aussi découvert récemment, selon le site Politico, que Panier Runacher louait sa maison à la famille Dassault et qu'elle le savait pas. Alors, elle sait plus où elle habite, elle sait plus où elle a mis ses thunes. Hein, le seul truc qu'elle se souvient, c'est son RIB au Luxembourg, apparemment. Alors oui, tout le monde ne connaît pas son proprio, hein, mais quand t'es au gouvernement et que tu dors chez un des plus grands fabricants d'armes du monde, il y a peut-être un bout de scrotum dans la purée, comme on dit. Surtout que quand elle a emménagé, elle était ministre de l'industrie. Ah, ouais, je vais pas rajouter de vannes, ça ferait ton sur ton. Enfin bref, ouais, une chronique où j'ai enchaîné Hanouna, Bolloré, Panier Runacher et Dassault. Je vous préviens, la prochaine chronique, c'est sur les brosses à dents parce que je suis fatigué. Mais non, Wally, mais non. Mais non, plus il y en a, plus vous venez. Merci, Walidia. On peut vous voir sur scène à Bruxelles. Ce sera le 14 décembre et attention, le 15 avril, vous serez au Zénith de Paris. Allez. Ils étaient vingt et cent, ils étaient les milliers. Nous aimaient tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers. Nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent. fait donc beaucoup d'actions, dont des actions pour freiner ou bloquer les transports de déchets nucléaires, c'est-à-dire le retour des déchets retraités, allemands retraités, depuis Valogne jusqu'à Gorleben. Parce que ça passe dans la région, en fait. Parce que ça passe dans la région, ça passait soit par Reims, soit par Bar-le-Duc, hein, tout près d'ici. Et c'est surtout pour alerter, en fait, médiatiquement sur la dangerosité des transports et puis sur le fait que, ben voilà, ça se balade comme ça, enfin, c'est un peu des transports, c'est la folie, ces transports. Des gens s'entraînaient à s'enchaîner sur les voies ferrées pour pouvoir bloquer les trains. Et donc, un jeune Meusien a fait une action avec d'autres sur un retour donc de train de Valogne à Gorleben. Et dans la région, juste avant Nancy, il y a un train qui ne s'est pas arrêté et lui, il n'a pas réussi à se dégager du tuyau. Et donc, il a été mortellement blessé. Dans l'actualité en France, la mort d'un manifestant anti-nucléaire qui suscite une très vive émotion. L'homme qui manifestait sur une voie de chemin de fer a été percuté par le train qui transportait des déchets nucléaires vers l'Allemagne. 4 ans jour pour jour après cette cruelle mort, les états nucléaires affrètent un train Castor la nuit du 7 au 8 novembre 2008. Des sabotages perturbent le trafic sur la ligne du convoi, mais pas seulement. Des lignes TGV sont visées également selon un procédé bien connu des Allemands qui stoppent le train sans risquer un déraillement. Les opposants à l'atome, souvent sont germains. Me demandez pas pourquoi, les Français vivent très bien avec leurs 58 yo-yos en béton atomique, leurs piscines à becquerels et leurs déchets toxiques. Ils étaient quand même quelques-uns à protester le 8 novembre 2008, côté français, pendant que 15 000 manifestants chez nos voisins retardaient méthodiquement l'avancée du train. Tout ça n'est pas secret, tout ça n'est pas caché, et les dégradations sont vite revendiquées par d'autres personnes donc que les accusés. Ça, on en a peu parlé. Parce que nous en avons assez. Que les responsables de l'industrie nucléaire et de l'administration osent parler de sécurité des déchets nucléaires. Alors que l'industrie nucléaire présente des dangers pour la vie, dont les conséquences sont incalculables pour les générations à venir. Parce que nous en avons assez. Qu'on prétende que le centre de stockage de Gorleben apporterait plusieurs milliers d'années de sécurité pour le dépôt des déchets nucléaires, alors que le centre expérimental d'Asseux est menacé de s'effondrer après seulement 40 ans et que les déchets nucléaires y étant stockés menacent de contaminer la nappe phréatique. C'est parce que nous en avons assez que dans la rosée du matin, nous avons reporté notre colère sur les tronçons de transport des déchets nucléaires. Par des incendies criminels et des fers à béton, nous avons agi cette nuit sur les tronçons ferroviaires Paris-Strasbourg, Paris-Lille, Paris-Rhône-Alpes, Paris-Bourgogne, Ludwigshafen-Mayence, Cassel-Bassin-de-la-Roure, Bassin-de-la-Roure-Hanovre, Brême-Hambourg et plusieurs autres tronçons dans la région de Berlin comme signe de notre résistance. On ne saurait être plus explicite, la pose des crochets est un acte politique, coordonné de part et d'autre de la frontière en résistance au transport nucléaire. Mais pour expliquer ça, au journal de 20h, faudrait parler de la Hague, qui elle fait vraiment peur, et des conséquences de cette industrie, ce que l'État nucléaire évite à tout prix. Il reste une catégorie de déchets enfouir, qui sont les faiblement radioactifs à vie longue. En 2008-2009, l'État a lancé le même chose qu'il avait fait pour nous à 3115 communes, envoie d'un petit dossier, mais ça c'était directement aux communes, un dossier disant « On a ces déchets-là à enfouir à 200 mètres sous terre, c'est une opportunité pour vous, il y aura de l'argent à la clé, et en plus vous rendez un service à la nation, et donc, comment on appelle ça, c'est pour votre notoriété. » On saura vous rétribuer, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. En gros, c'était le même... Toujours la même chose. Donc 2008, nous on a aussi avec le réseau sortir nucléaire et à l'époque la coordination, pareil, on a refait la même chose que pour les sites granit. On a envoyé un courrier aux 3115 communes. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des communes dont le maire avait dit oui sans consulter ses habitants. Donc ils ont dû refaire des consultations. Et là il y a eu une très très forte mobilisation parce que ça concernait plein de communes en France. Et en Meuse, il y en avait 323. Ouais. Ouais, quand même. C'est dingue, quoi. Dont beaucoup dans le sud meusien, dont beaucoup autour de Bure. Hein. C'était à nouveau... voilà. Et il y a eu de très fortes manifestations un petit peu partout en France, et aussi notamment nous Gondrecourt, dans les Vosges, tout près. Enfin, il y a eu de très très grosses manifestations. Il y a eu des gens qui ont organisé eux-mêmes un référendum dans leur village contre l'avis de la préfecture, où ils recueillaient les avis, ils allaient le donner ensuite au maire en disant ben voilà, le village est pas d'accord. Donc tout ça, c'est pareil, là-dessus, quelque part, on a gagné assez rapidement, puisqu'en 2009, il restait plus que deux communes qui étaient positionnées, et ces deux communes, elles étaient à côté de Soulaine dans l'Aube. Bizarrement, c'était déjà des communes qui touchaient déjà, enfin, qui sont déjà en lien avec Soulaine, donc qui sont déjà, quelque part, corrompues, en fait, par tous ces déchets nucléaires sur leur terre. Et puis, il y a eu quand même de fortes mobilisation extérieure qui ont fait que les maires finalement ont dit non. Donc là, à nouveau, on a réussi à faire à contrer ce projet. Je dirais que la mobilisation, elle est multiforme. Effectivement, on n'est pas toujours dans la rue, on n'est pas toujours avec les pancartes, on n'est pas toujours à bloquer, à ceci, à cela. Par contre, la mobilisation, elle se fait aussi au niveau de l'expertise du dossier, au niveau de l'alerte des médias, l'alerte, les démarches envers les ministères, envers les députés, envers l'opinion publique, notamment des experts, dont un géophysicien et plusieurs géologues qui disent, en 2003 par exemple, qui trouvent que Bure est à l'aplomb d'une énorme ressource géothermique qui aurait dû empêcher l'installation d'une poubelle nucléaire, d'un sarcophage nucléaire, c'est incompatible. Donc ça, c'est un énorme pavé dans la mare qu'on jette dans le jardin de l'Andra, là, parce que... Et là, on a fait des tas de démarches. On a fait aussi des recours juridiques jusqu'à la Cour européenne. On a alerté les médias. Installer Bure, Cigéo, au-dessus de cette ressource géothermique, c'est un non-sens et c'est un travail énorme. Parce qu'on a fait refaire des forages, on a fait des recours juridiques. Et l'Andra, elle a été obligée d'ailleurs de changer son discours. Au départ, elle a dit non. En fait, elle a falsifié les études, et nous, on a révélé ça quand même. En 2011, un scientifique qui habite pas loin, un ingénieur agronome, Bertrand Tullier, qui habite pas loin du site, qui étudie les 4000 pages Landra, et qui dit, qui nous contacte, et qui dit, attention, tout ce que j'ai vu, j'ai le sentiment que l'enfouissement, il peut pas marcher à Bure. Cigéo, c'est pas un bon projet, parce qu'il y a le risque d'explosion dû à l'hydrogène, et il y a le risque d'incendie dû au bitumier, aux déchets bitumés qui peuvent flamber. Donc ça, il le révèle. Donc ça, on fait caisse de résonance, on fait des courriers, on alerte les ministères, on alerte les médias, et ça, ça fait bouger les lignes, puisque après, la SN, la CNE, l'IRSN s'en emparent de ça. Comment ça s'est passé ici, les rachats de terres par l'Andra? Parce que c'est, pour Cigéo, c'est énorme. C'est combien d'hectares? Ouais, c'est impressionnant, hein. C'est sur les deux départements, c'est 1000 hectares de terre au bas mot et 2000 hectares de forêt. Pour un projet qui était censé pas se passer en surface et qu'ils n'avaient pas besoin de terre, alors qu'on en est à 1000 hectares de terre, et quand on voit toutes les offres passer pour qu'il suit un peu et que l'Andra met la main sur tout, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour personne en termes d'installation. Donc ça interroge quand même énormément les populations. C'est tout un jeu sur le territoire pour viser à rassembler autour de Bure, donc à l'échelon rapproché à la fois 3-4 km, mais aussi sur un territoire un peu plus long qui est 10-15 km. Ces champs continuent d'être cultivés par des paysans. Donc on les redistribue sous forme de conventions précaires, COPP, Convention d'occupation précaire et provisoire. Donc en fait, c'est à l'année ou à la campagne de culture, à l'année culturelle, et à tout moment, ça peut être mis en cause, pour diverses raisons d'ailleurs, parce que l'on en a besoin, ou qu'elle prétexte en a besoin, ou là, sa ferme veut l'échanger contre une autre parcelle qu'elle a acquis entre-temps, ou plein d'autres artifices, ou aussi bah, parce que l'utilisateur, le paysan qui l'a... il cause pas forcément bien, il va peut-être au manif, ou voilà, il collabore peut-être pas assez avec l'Andra, donc il s'agit de récompenser les gens qui sont sages et qui travaillent avec l'Andra. Donc c'est la carotte et le bâton. En fait, plus on est loin du périmètre de sur le périmètre par rapport à Bure, plus on a les coudées franches pour intervenir, pour se prendre des positions et pour participer à la lutte. C'est contradictoire, alors que normalement les gens réagissent quand même quand c'est dans leur jardin et beaucoup moins quand c'est plus dans leur jardin. Mais bon, c'est... Ici c'est l'inverse. Ouais, ici c'est l'inverse, mais on sait pourquoi, hein, c'est complètement expliqué. La construction et l'exploitation d'un stockage peuvent constituer un projet satisfaisant pour toutes les parties prenantes et un projet doublement gagnant pour la région d'accueil de l'installation et pour la nation tout entière. Donc là, on rend les choses très positives pour tout le monde. Non seulement on veillera à préserver le bien-être des populations locales, c'est nous, mais on recherchera aussi des possibilités d'améliorer durablement leur qualité de vie en nous amenant du pognon, du développement local. L'activité économique de la région tout entière pourra se développer grâce à l'afflux de personnel et d'ouvriers de la construction, de visiteurs en grand nombre, ainsi que de recettes fiscales. Mais c'est un conte de fées. Mais c'est écrit par l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, l'AEN, quoi. La nouvelle main-d'œuvre hautement qualifiée. C'est pour ça qu'on nous fait des... À Bar-le-Duc, à Saint-Dizier, il y a des filières sur l'électronucléaire pour former les petits soldats qui iront dans le fond du trou. La nouvelle main-d'œuvre hautement qualifiée qui s'implantera localement contribuera à préserver, voire relèvera, le niveau d'instruction de la collectivité, parce que bien entendu, on est des ploucs, on est des paysans, on est des fermiers, on est des Indiens, et stimulera une économie locale de services. C'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est écrit dans les années 90 ou... Et ça, c'est traduit pour tous les pays. C'est-à-dire que... Alors, il y a aussi... La méthode, c'est la même partout, quoi. Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait du... Parce que, bon, les années 90, ils sont heurtés à une opposition. En Angleterre, pareil, ça a bougé. Enfin, un peu partout, ça a bougé. Donc, en fait, on analyse et on écrit un conte de fées. C'est-à-dire que là, c'est la... Ça, c'est la Bible pour l'Andra, enfin pour l'État, puis pour l'Andra, parce que c'est pas l'Andra qui débloque les 60 millions. Aujourd'hui, on est à 60 millions d'euros par an quand même, hein. Donc c'est quand même l'État qui le débloque, hein. Donc en fait, c'est toute une stratégie qui est concoctée au niveau international, qui descend sur chaque pays, et chaque pays l'adapte après. Il est acquis que l'implantation d'un dépôt de déchets radioactifs doit s'accompagner de plans de développement local et régional, répondant aux aspirations des communautés concernées, d'où les permetteurs, d'où les sociologues. C'est-à-dire qu'on va faire des plans de développement local, régional, qui répondent aux aspirations. C'est-à-dire qu'est-ce que nous, on veut. Bon, ici à Bure, on voulait des lampadaires modernes et des trottoirs en pavé neuf. Ça devait être ça, l'aspiration. C'est quand même... C'est-à-dire que le sociologue analyse la demande... Et le permetteur amène l'offre. Ben voilà, c'est ça, c'est formidable. Parce que au fond de tout ça, qu'est-ce qu'on cherche? C'est à ce que la population locale, elle aime cet objet, c'est-à-dire cette poubelle nucléaire, elle l'intègre, c'est ce qu'ils disent, tirer fierté de l'existence, l'intégrer dans la collectivité d'accueil, sûreté par l'intégration, on la planque pas, on va l'aimer, on va en faire un objet, quelque part, de rite, de désir, de culte. Pourquoi? Parce qu'il faut prolonger la mémoire dans le temps. Et une fois qu'il n'y aura plus d'Andra, il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de filière électronucléaire, que le nucléaire sera fini, il va falloir, ils le disent bien, la capacité de la collectivité à jouer son rôle de gardien dans le futur. Enfin, c'est... Alors la conclusion de ça, c'est, ça c'est moi qui l'ai écrit, au-delà de l'amélioration matérielle temporaire des conditions de vie actuelles, un terrible dessein se profile en silence. Il s'agit de préparer les riverains, c'est-à-dire nous, génération après génération, nos enfants, nos petits-enfants, à devenir les gardiens d'un monstrueux legs enfoui, devenu le leur, et les garants d'une mémoire sans fin. Parce qu'en fait, l'Andra, elle est incapable de garantir, et l'homme ne peut pas garantir la mémoire d'un site pareil. C'est impossible. Dans la réalité des faits, ce sera pas ça. Parce que les gens, ils commencent à prendre peur, ils se disent, moi, je vais peut-être boire de l'eau contaminée, je vais peut-être respirer un air qui est plus respirable, ça va peut-être exploser. En fait, tout ça, c'est écrit, et c'est ce qu'on ressent depuis toujours au niveau de l'Andra. L'Andra ne parle jamais des risques. Elle ne parle jamais de la face noire de CIGEO. Jamais, jamais, jamais. Et là-dedans non plus. Là-dedans, on écrit une espèce de scénario idyllique pour manipuler les masses et les gens et les élus pour qu'ils aillent dans ce scénario et que tout se passe bien. Mais la concrétude des choses, elle n'est pas là, quoi. Le concret, il n'est pas là. Le risque n'existe pas. Pour l'Andra, le risque n'existe pas. On ne parle jamais du danger de la radioactivité. C'est quand même le nœud du problème. Et l'Andra opérait en même temps sur les forêts. Elle achetait, on n'en parlait pas. Elle achetait aussi des forêts. Bon, ce qui a fait qu'on s'est préoccupé aussi des acquisitions en termes de forêts, et bah c'est le bois le jus. C'est clair que le bois le jus qu'ils ont d'abord échangé puisqu'ils ont acheté un bois sur Bonnet, le bois de la Caisse, et qu'ils ont échangé avec la commune de, ou tenté d'échanger avec la commune de Mende, illégalement. Et après commencer à entreprendre des travaux dessus illégalement aussi, puisque les travaux relevaient de CIGEO et que CIGEO n'était pas ni autorisé ni déclaré ni quoi. C'est dingue ça, comment ils ont pu faire ça? Bah ouais, bah une erreur majeure quoi. Ouais, tout à fait, mais en se disant bah oui, mais c'est là que c'est important d'avoir la veille et les gens sur le territoire qui disent attention là, on est en train de faire des travaux, on défriche, on fait un mur, alors qu'on parlait à peine de CIGEO, on était toujours dans la phase laboratoire en termes de communication. Il paraît qu'on est dans de beaux draps avec ce que nous propose l'Andra. Une production complémentaire, la décharge du nucléaire. Une production complémentaire, la décharge du nucléaire. On en prend pour 24 000 ans. Même si nos sols sont sécurisants, vous irez dire à nos enfants qu'on ne pouvait faire autrement. Vous irez dire à nos enfants qu'on ne pouvait faire autrement. Édouard Philippe décide de nettoyer le territoire, parce que je peux le dire comme ça, avant de prononcer le devenir de Notre-Dame, de peur que la ZAD de Notre-Dame ne migre à Bure. Donc en fait, et il l'a fait comment? Bah, au travers de l'expulsion définitive du bois, suivie d'une militarisation du territoire, donc avec une surveillance, 500 euros de l'heure d'astreinte si on met un pied dans le bois, plus le quadrillage du territoire avec des navettes toutes les deux heures, jour et nuit, ce qui est encore un peu prévalable aujourd'hui. Moi, depuis cette date, j'ai quasiment toutes les deux heures, voire plus en cas d'événement, une navette de gendarmerie sous des formes diverses devant ma porte ou devant ma ferme, plus tout l'accompagnement avec l'arsenal militaire. C'est aussi ce côté laboratoire, c'est un laboratoire aussi par rapport à la gendarmerie, avec les drones, avec l'hélicoptère, avec l'avion, avec les valises aussi pour faire borner les téléphones et enregistrer. Je veux dire que c'est phénoménal ce qui a pu être mis en place. Ben, le rapport de force qui a été mis en place suite à la militarisation et la répression qui a été déclinée sur le territoire, est quand même en train de se retourner avec cette lutte qui renaît tout partout et qui rebondit et qui revient en force sur le territoire, notamment cette année en 2021, et avec plein de nouveaux projets qui naissent, et notamment des projets d'agriculture et d'agriculture nourricière, parce que la crise sanitaire qu'on vient de traverser fait réfléchir beaucoup les nouvelles générations, et notre modèle agricole qui va droit dans le mur à plein de niveaux, parce que contrairement à ce que l'Andra a bien voulu nous promettre depuis 20 ans, le développement du territoire il n'est pas là, donc quelque part ce sont les opposants et avec leur force qui sont plus en train de développer le territoire que l'Andra, malgré les sommes pharaoniques qu'ils investissent à proximité. En fait, vous voyez là derrière, il y a une forêt, ça s'appelle le bois de Glandenois, et on voit la petite voiture de police là-bas, et juste derrière la forêt, c'est le labo de l'Andra. Du coup, peut-être c'est un peu pour ça qu'il s'agite. Et en fait, le long de la parcelle qu'on cultive là, en maraîchage, ça a aussi été acheté par l'Andra. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu hier, il y a eu déjà 3000 hectares qui ont été achetés par l'Andra. Et donc en fait, le long de cette parcelle est prévu, s'il devait y avoir Cigéo, la future voie ferrée. Donc c'est un petit peu un endroit stratégique, et nous on s'est dit qu'on préférait cultiver ces terres plutôt que de les laisser au projet. Sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica Yan Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noir. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête de raciste empurée? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dedans, et se découvrent en nouveau monde? Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka Argentin, et bébé phoque arabe, maintenant, ça me revient. Merci Madame la Présidente. Il est 23h presque 10. Nous n'avons passé aucun amendement depuis la reprise. Tout s'est bien passé jusque 19h58. Jusqu'au moment où la minorité présidentielle, et c'est le cas d'autant plus vu le résultat de ce soir, a décidé l'obstruction. Obstruction en déposant des sous-amendements sur un amendement. le député ne vient pas, c'est le gouvernement qui dépose l'amendement identique pour permettre le sous-amendement et l'obstruction. Que les parlementaires décident de jouer l'obstruction. On a envie de dire, c'est le jeu de l'Assemblée nationale, mais sur une niche, c'est déjà difficile. Mais que le gouvernement fasse le jeu de l'obstruction, c'est inadmissible. Ici, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui font la loi. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de la Santé, tout à l'heure, vous avez fait un très long discours et vous avez interrogé, je vais donc vous répondre, qui était en première ligne, comme vous ? Moi. J'y étais. Et vous le savez. Et vu qu'il y a le ministre Véran à côté de vous, je vais vous rappeler que j'y étais sans masque, sans gants, sans blouse. Je vous rappelle aussi que quand le vaccin est arrivé, il fallait avoir plus de 50 ans pour y avoir droit. Que vous avez demandé à mes collègues de revenir travailler avec le Covid. Alors que ici même, vous nous faisiez la leçon en nous disant il faut que les soignants se vaccinent par altruisme. Vous pensez bien, les pauvres patients, on a entendu ça toute la journée. Mais, chers collègues, pensez-vous aux patients à qui on ne précise pas que le soignant qui arrive dans la chambre est positif au Covid et que c'est vous qui lui avez demandé d'être là. Là, il n'y a pas d'altruisme. Il n'y a pas d'altruisme à ce moment-là. Tout à l'heure, le député Alauzé proposait de révoquer les non-vaccinés, que les patients puissent révoquer. Mais si demain vous dites aux patients qui est positif au Covid malgré le vaccin, est-ce que vous allez aussi proposer de pouvoir révoquer ces soignants-là alors que vous en avez terriblement besoin ? Certainement pas. Ce texte est une demande, une sortie par le haut. Et la preuve en est, c'est que, on en a entendu, hein, compromis, il faut discuter, la France a voulu une nouvelle Assemblée nationale, on va tout faire pour qu'on travaille ensemble. Sept groupes sont pour cette proposition de loi. Alors vous pouvez sourire, vous pouvez, mais alors vous saurez quelque chose, c'est tel le roseau, je plie mais ne romps pas. Vous n'êtes plus majoritaire, ce qui fait que les semaines du gouvernement, il a été décidé en conférence des présidents qu'il y aurait des textes de l'opposition transpartisan. 7 sur 10, c'est transpartisan. Nous demanderons et nous ne lâcherons pas que ce texte revienne. Madame Berger a enlevé son texte lundi. Il peut revenir lundi. Nous sommes 7 sur 10. Nous sommes la majorité et nous serons là pour le défendre s'il est mis à l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas. Et je terminerai pour que tout le monde ait la bonne information. Mais il n'y a pas de souci. C'est que lors d'une niche parlementaire, quand le texte est arrêté à minuit, il est dit suspendu. On ne vous lâchera pas. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'homari changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais... Et quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas changeront de derrière, qui c'est Tiki quand je rapine you, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smoking changeront de valise. Alors la vie, et gentlement, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront demain, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Dans les années 70, la France a procédé à 46 essais nucléaires dans l'atmosphère en Polynésie française. Aujourd'hui, une enquête et un livre basés sur des documents militaires déclassifiés révèlent que la population a été exposée à des doses de radioactivité bien supérieures à celles annoncées officiellement. Selon les auteurs de l'étude, le dernier essai effectué en 1974 aurait massivement contaminé la population de Tahiti. Cet essai se déroule pas comme prévu, parce que le nuage qui est issu de cette explosion, le 17 juillet 1974, n'atteint pas l'altitude suffisante, optimale, celle qui était prévue. Il s'arrête à 5200 mètres. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'à 5200 mètres, les vents ne poussent pas le nuage vers là où les militaires auraient aimé qu'ils le poussent, à savoir vers les atolls de Tuléa et de Hao, mais vers l'ouest, vers Tahiti. 110 000 personnes, soit la quasi-totalité de la population des archipels, auraient été exposées à la radioactivité, ainsi que les militaires qui participaient aux essais nucléaires. Il y avait vraiment une version officielle d'une bombe propre, sans effet. Et ça, il y a de multiples témoignages, y compris des appelés du contingent, qui ont découvert en arrivant sur place qu'en fait, ils allaient assister à des essais nucléaires. Ils n'avaient pas de protection. Quelles ont été les conséquences médicales pour la population? Faut-il réévaluer le nombre des victimes de la radioactivité? À Tahiti, la révélation de l'étude suscite des réactions de gêne ou d'indignation chez les élus. Ça fait mal, ça fait très très mal pour les personnes qui sont décédées de ces maladies-là. C'est vraiment une énorme injustice à leur encontre. Je ne connais pas, j'ai pas vu les données précises, mais bon, je pense qu'on pourra commenter cela après avoir pris connaissance du rapport. L'enjeu du dossier, c'est bien sûr la reconnaissance des victimes des essais nucléaires. En dehors des militaires, seuls une soixantaine de civils polynésiens ont été à ce jour indemnisés. Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, Les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mer. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi. Coup de presse. Alors, ce matin, Macron aux États-Unis, Ukraine et Chine au menu. Voilà, voilà. Et voilà. Ben, on est sauvés. Nancy, un forcené abattu par la police. Dans la nuit de dimanche à lundi à Nancy, 29 novembre, locataire en crise a lancé le mobilier de son appartement sur la fenêtre, par la fenêtre, et menacé de se jeter dans le vide. Une fois dans le logement, les policiers attaqués au couteau par le forcené, selon le procureur, ont été contraints d'ouvrir le feu. Oui, contraints. Contraints. À Strasbourg, le RER sera une réalité dans quelques jours. Réseau express régional. Et bon, ouais. Ah oui, c'est une idée récente, ça, hein, le RER dans les grandes villes. Mais rappelons qu'à Strasbourg, il y a déjà 30 ans environ, il y avait des parkings à l'extérieur de la ville. On garait sa voiture, et puis là, ben, on pouvait prendre des trams pour aller au centre-ville, et après se promener à pied, sans faire de bruit, sans faire de fumée, sans faire de gaz carbonique, etc. Hein? Oui. Oui, une trentaine d'années, environ. Oh oui, oui, oui. Oh, mais il y en a qui ont d'imagination, hein. Ouais, quand ils reprennent les idées des autres, avec beaucoup de retard. La créativité, c'est ça, en politique. Et, en général. Entreprise, la discrimination à l'embauche existe. Avec pas moins de 5 ministres et hauts commissaires à l'emploi, le sommet de l'inclusion économique affiche cette année ses lettres de noblesse. Lettres de noblesse. Saïd Amouche, initiateur du sommet, en est persuadé. Si la discrimination à l'embauche existe encore, c'est parce que les solutions n'ont jamais vraiment été mises en place. Dans les quartiers très difficiles, le taux de chômage est 3 fois plus élevé qu'ailleurs en France. Le taux de chômage, vous avez bien entendu le mot chômage, parce que c'est un mot qu'on n'entend pas à la télé et sur les radios normales. Ah oui, il n'y a que sur les radios locales et surtout les radios libres qu'on prononce ce mot-là. Chômage. Est 3 fois plus élevé qu'ailleurs en France. Voilà. Alors ce qu'il faudrait, c'est tous les mois choisir le député, le sénateur, le ministre, le directeur de ceci, le cadre supérieur de cela, qui s'est le plus distingué en faveur du macartisme, non, du macronisme. C'est pas la même chose, hein. Mais non, pas la même chose. Allons. Et puis, celui-là, on lui dit, voilà, ben, il te restait 4 ans de mandat à terminer. Eh bien, pendant 4 ans, tu vas te retrouver au RMI, au RSA, au chômage. Hein. Et puis, interdiction de trouver du travail. Interdiction de lui donner du travail, celui-là. Il faut qu'il sache, lui aussi, ce que c'est que le chômage. Hein. Il faut qu'il sache. Voilà. Les saints et les anges et tous les élus, ouais. Quand ça les démange, ça nous gratte. La culture est-elle en crise? Fréquentation des cinémas en baisse. Oh, bon. Le cinéma, la culture, ça va pas toujours ensemble. Salle de spectacle à moitié remplie. Le monde de la culture ne s'est pas entièrement remis des dommages de la crise sanitaire. Ouais. Oh, la culture. La culture, c'est une question qu'il faudrait creuser quand même, hein. Ah oui, la culture, ça aurait dû être la matière première des radios locales et des radios libres. Oui, hein, ça aurait dû. Et ça n'a pas été tout à fait. Oh. Épinal, mort d'un agent des suites du Covid-19. La famille adresse un recours à Épinal Habitat. Après la mort en avril 2021 d'Hervé Luzier, Sa famille a demandé des comptes à son employeur, Épinal Habitat. Hervé est tombé malade à son travail, dénonçant un manque de respect des règles sanitaires qui ont causé la mort de leurs proches. La famille a adressé un recours en responsabilité pour faute à Épinal Habitat. Eh oui, l'employeur peut être responsable des problèmes de santé, quelquefois très graves, dus à la façon dont le travail se passe, hein, les mesures qui sont prises pour protéger les salariés contre les produits chimiques, contre certaines poussières, etc., etc. Hein, eh oui, il faut bien être responsable quand même. Hein, hein. Lorraine, grève des généralistes contre une ubérisation de la médecine. Ubérisation de la médecine. Engagés dans un bras de fer avec la sécurité sociale et le gouvernement, les syndicats de médecins, tiens, il y a les médecins, ils sont syndiqués. Ah, tiens, vous voyez, donc tout le monde peut être syndiqué. Eh oui, tous les salariés peuvent se syndiquer même. Eh oui, les syndicats de médecins libéraux appellent à la grève jeudi et vendredi. Les médecins libéraux se mobilisent pendant 2 jours contre le dépeçage de leur profession. Tiens, Macron et compagnie feraient le dépeçage de la profession. Est-ce qu'il y a d'autres professions qui sont dépecées aussi? En cherchant bien, on arrive peut-être à en trouver. Hein. Le soin est devenu un produit de consommation. Le docteur Anne Becker exerce depuis 20 ans. Installée à Rohrbach-les-Beach, en Moselle-Est, elle reconnaît que les conditions de travail se sont considérablement dégradées. Trop de paperasse et de démarches administratives amputent le temps de consultation. Elle fera grève jeudi et vendredi. Et puis tout le reste, hein, les problèmes de la santé, c'est de la santé, de l'éducation, de l'enseignement, de la justice, de etc., etc., sont nombreux. Ben oui, on peut pas donner des milliards aux milliardaires sans appauvrir les rémistes et sans appauvrir les salariés et les gens qui travaillent. Hein, ben oui, ce qu'on donne aux uns, il faut le prendre quelque part quand même. Hein. Chine, Pékin accélère sur la vaccination et sur la censure. Pris de court, le régime chinois tente de désamorcer une contestation qui prend depuis la semaine dernière une tournure de plus en plus politique. Si Pékin laisse entrevoir un assouplissement des restrictions sanitaires, il joue surtout sa partition habituelle, censure et répression. Est-ce que Macron serait pas allé faire de la politique en Chine pour persuader les Chinois qui vivaient dans un régime invivable, hein? Ah oui, il fallait qu'ils viennent vivre en France pour vivre mieux. Lorraine, Bure, délibérée le 26 janvier pour les opposants à Cigéo. Les avocats des 7 militants anti-nucléaires, jugés en appel depuis lundi à Nancy, ont tiré à boulets rouges sur l'instruction, démesurée selon eux. Le délibéré sera rendu le 26 janvier. Oui, oui, oui. Ah ben oui, voilà des gens, ils ont osé manifester, vous vous rendez compte, manifester contre le nucléaire, contre le stockage des déchets à Bure. Eh oui, Bure, c'est en Lorraine. Eh, c'est pas loin de chez nous. Eh ben oui. Et on est concerné quand même plus directement que les gens qui habitent à 1000 kilomètres d'ici. Hein? Ah ben oui. Eh ben, bon, ben, on se bougera s'il faut. Hein? S'il faut. Mais oui, s'il faut. On fera ce qu'il faut, ben oui, le Vosgien, il est courageux, par nature. Ben oui, il y a eu 97% de Vosgiens qui étaient dans la résistance, hein. Ah, eh oui, non, ça c'est un mensonge, je ne sais pas le chiffre exact, mais il doit être assez loin de ça quand même. Hein, si on observe un peu les résultats des élections ces dernières années, on peut se dire que le Vosgien de gauche, c'est une denrée rare. Rare, précieuse parce que rare. Social, retraite, 64 ou 65 ans. On est en train de revenir des dizaines d'années en arrière. Eh oui. D'avoir voté pour des rétrogrades, eh ben oui, on est rétrogradé. Nucléaire civil. Le piège russe. Le commerce de combustible nucléaire entre la France et la Russie continue malgré la guerre en Ukraine. Les 18 centrales nucléaires françaises ne sont pourtant pas dépendantes de Moscou car elles utilisent l'uranium essentiellement importé du Kazakhstan, du Niger, du Canada, d'Australie et de l'Ouzbékistan. L'usine de Sibersk en Sibérie est en effet la seule au monde capable de transformer l'uranium de retraitement. Ah oui, là il s'agit du retraitement. Elle appartient à Rosatom, le géant russe du nucléaire dirigé par un proche de Vladimir Poutine. Oui, on envoie une partie de notre uranium utilisé là-bas et il le retraite pour nous renvoyer ce qui est encore utilisable. Et le reste, on ne sait pas ce qu'ils en font. Hein. Ils le jettent peut-être dans là-bas. Hein, dans le Pacifique, entre le Japon et les... Bon, cette décision, le Japon, c'est que c'est que la radioactivité, hein. Ah oui, Hiroshima, Nagasaki, ils ont expérimenté. Et puis, la centrale, là, dernièrement, hein, comment ça a été déjà la centrale en question, au Japon, qui a fallu évacuer la population dans un rayon de 50 km autour de la centrale, hein. Non, le nucléaire, c'est sûr, hein, c'est bien. C'est propre. Cette décision n'empêche pas la poursuite des livraisons d'uranium en provenance de Russie. Ah, un cargo a déchargé ce mardi matin plusieurs dizaines de fûts d'uranium enrichi et 10 conteneurs d'uranium naturel venant de Russie dans le port de Dunkerque, dans le nord de la France, hein, selon Greenpeace, la paix verte, in französisch. Fin 2022. Nous avons signé un contrat avec Rosatom pour lui fournir 1150 tonnes d'uranium recyclé. L'industrie nucléaire française est pied et poing liée avec la Russie. Voilà, bon allez, j'en reste là, hein, c'est pas la peine. On va quand même pas accumuler les mauvaises nouvelles, hein. Ben non, il y a les matchs de foot là. Allez, c'est beaucoup mieux ça. Le foot, au moins, c'est optimiste. À 73 ans, il gravit le Kilimandjaro. Membre et bénévole du club vosgien, Henri Varnet est doté d'une volonté hors de commun. À 73 ans, il s'est donné pour défi de gravir le Kilimandjaro. Après 6 jours de marche, il a pu déboucher sur les bords du cratère Stella Point, un spectacle grandiose et des souvenirs plein la tête. Maurice, 96 ans, a vraiment fait de la résistance. Maurice Lemoine a bien participé à la bataille du pont Flavigny sur Moselle, du pont de Flavigny sur Moselle, comme l'attestent des documents des FFI datant de 1945 et comme il l'a toujours prétendu. Les papiers dont il ignorait l'existence dormaient dans une malle avant d'être découverts par hasard. Ben oui, il faudrait que le hasard, hein, qu'il y ait moins de hasard, qu'on découvre plus ces choses. Il faudrait qu'on fouille mieux les archives, comme ça on saurait si le maire, si notre voisine, etc., était plutôt côté résistance ou de l'autre côté, hein. Et oui, si on sait ces choses-là, oui, c'est mieux quand même que de ne pas savoir. Corrida, préservons nos traditions locales ancestrales. Ah oui. Alors, tradition locale ancestrale, par exemple, en Normandie, on pratiquait l'écartèlement. En Bourgogne, on pratiquait le lynchage. Et dans le Limousin, on pratiquait l'empalement. Oui, voilà les traditions. Hein? Eh oui, les traditions. Post-guerre, si c'est vrai, c'est dans le progrès qui résume bien l'objectif de la guerre en Ukraine pour les USA, à savoir réduire l'industrie en Europe, lui faire payer son gaz 4 fois le prix, etc. Et les courbettes du Roitelet de France, sont dignes du ridicule du bourgeois gentilhomme de notre Molière. Le bourgeois gentilhomme, hein? Le bourgeois gentilhomme. Qui c'est-il donc? On peut partager, bien sûr. Alors, les libertés auxquelles vous renoncez aujourd'hui sont les libertés que vos petits-enfants ne connaîtront jamais. Les libertés, Radio Libre, hein, les libertés auxquelles vous renoncez aujourd'hui sont les libertés que vos petits-enfants ne connaîtront jamais. We'll be right back.